Effacer tous mes nombreux péchés, car sur la croix tu es mort à ma place pour que je la vie. Tu pries sur ton Seigneur le châtiment de mes fautes. Devant ta majesté, Jésus, je viens te supplier de m'accorder ta grâce d'effacer tous mes nombreux péchés. Sur la croix, tu es mort à ma place pour que j'aie la vie. Tu pries sur toi, Seigneur, le châtiment de mes fautes. Je viens devant toi, ô Dieu, pour que tu me recueilles. Donne-moi la vie pour l'éternité. Devant ta majesté, Jésus, je viens te supplier. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Bonsoir, Frère Junior. Le couple Espérance, bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon frère. C'est toujours un plaisir pour moi renouvelé de vous rencontrer. Amen, amen. C'est pareil, mon frère. Que la grâce, la paix, l'amour, la joie, la communion et toutes les autres vertus de notre Seigneur Jésus-Christ soient multipliées. Amen. Amen. Amen. Bon, le frère qui est encore connecté, pourquoi votre... Je ne vous vois pas. C'est le frère Jean-Didier. Jean-Didier Quadio. Jean-Didier. J'espère que tu n'es pas au travail aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, frère Junior. Tu n'es pas au travail aujourd'hui, tu es connecté. Ah, bon, je suis au travail, mais je suis connecté, on peut travailler, je suis libre. Mais la dernière fois, tu étais toujours connecté, je t'ai parlé fatigué par rapport à ces... je crois que c'est à toi, j'ai parlé des... Oui, oui, j'avais un problème de réseau. Oui, j'ai parlé de quoi déjà, de ces choses, l'araignée là. L'araignée. Oui, oui. Bon, de toute façon, on ne te voit pas. Tu as refusé de mettre ta vidéo. La sœur Assetou Adjara, bonsoir et bienvenue dans Côte d'Ivoire dans la sainteté. Elle est dans la chambre avec son mari, donc il n'y a pas de réseau là-bas. Le frère Jacques Bissan, bonsoir du côté de Lomé au Togo, bonsoir. Bonsoir frère Jean, bonsoir. Que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur vous soient multipliés du côté de Togo. Amen, amen. Comment va ton épouse? Elle va bien? Elle va très bien, frère Vignon. Le frère Olivier Sira Angoran, bonsoir et bienvenue. Allô? Oui, le frère. Oui, elle va très bien, frère Vignon. Qui est connecté là? Bon, vous avez décidé ce soir de ne pas mettre votre vidéo. Vous voulez seulement me voir mon vidéo. Alors, du côté, la sœur Assetou Adara, bonsoir et bienvenue du côté d'Abidjan. Ça, c'est à. Tu es où maintenant? C'est la zone quoi? Zone 4. À la zone 4. La sœur Assetou a de quelques soucis de connexion ce soir. Le frère Olivier Angoran, bonsoir et bienvenue. Tu es connecté sur la chaîne YouTube Bamba Iba et l'émission qu'on est en train d'écouter maintenant, c'est la Côte d'Ivoire dans la sainteté. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher frère. Voilà, je crois qu'en... Comment tu vas, mon frère? Je vais toujours très bien par la grâce du Seigneur Jésus. Je crois qu'en présentant comme ça, de façon succincte, tu parviens à nous entendre. Comment toi, tu vas? Oui, ça va par la grâce du Seigneur. Tu peux sentir du tonus dans ma voix, n'est-ce pas? Donc, on est parti au moins pour 3 heures de temps aujourd'hui. Tu peux sentir que j'ai du tonus, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, mon frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Mais j'ai un souci ce soir, c'est que je ne parviens pas à vous voir. Sauf le frère... Le couple Espérance, ils ont espéré avoir leur vidéo ce soir, ils ont eu la vidéo. Personne n'a jamais rien espéré, c'est pour ça qu'on n'avait pas certainement la vidéo aujourd'hui. Ça c'est vrai mon frère. Vous me voyez maintenant? On ne te voit pas, il ne te voit pas encore. Non, j'ai allumé ma caméra. Il y a un son chez toi qui n'est pas bon mon frère. Mon frère Jean-Didier, c'est pas ce que tu as fait. La vient de checker. Le frère Jacques, ferme ta vidéo, ferme ta caméra, coupe ton son voix. C'est pas bon, c'est désagréable. Le frère Jacques, si tu nous entends, coupe ton son, coupe le son, coupe le son chez vous. Je sais pas ce qui ne va pas là. Vous entendez ce son là? Je pense que quelqu'un a branché là-bas. Le frère Jacques, si tu nous entends, coupe ta vidéo, coupe ta connexion. C'est pas croyable avec cette connexion-ci. Je vous reprends dans quelques instants. Effacer tous mes nombreux péchés, car sur la croix tu es mort à ma place pour que je la vie. Tu pries sur toi, Seigneur, le châtiment de mes forfaits. Devant ta majesté, Jésus, je viens te supplier de m'accorder ta grâce de C'est désagréable. Je Donc, je remarque que le son, le problème se trouve aussi chez le frère Jacques Didier. Donc, vous remarquez que le frère Jacques Didier s'est déconnecté et là, le son est devenu normal. Donc, forcément, le son se trouve chez lui. Le son mauvais se trouve chez lui. Ou bien, ce sont des moteurs de son entreprise qui sont en train de déranger comme ça. Alors, non, là. Côte d'Ivoire, est-ce qu'on pourra travailler ce soir comme ça, dans cette condition? Rebonsoir mes bien-aimés, le frère Olivier Angora, bonsoir. Le frère Jacques, bonsoir. Le couple Espérance, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, Junior. Est-ce que vous témoignez dans votre... Le frère Jacques, donc ça vient de chez le frère Jacques. Frère Jacques, coupe ton micro. Tu as dû brancher quelque chose sur ton appareil qui n'est pas bon. Il y a la masse, c'est pour ça que ça fait ça. Tu as branché quelque chose sur l'appareil que tu utilises. Ça crée cette masse-là. Donc, si tu veux parler, dès le départ, quand tu as parlé, il n'y avait pas de problème. Donc, tu as dû brancher quelque chose sur ton support qui crée cette masse. La sœur Asetoun ne nous a pas encore parlé ce soir. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire n'est pas prête à travailler ce soir. Donc, on se dit certainement à la prochaine fois, alors. Shalom, shalom, frère Junior. Ah, la sœur Asetoun. Shalom, shalom, frère Junior. La sœur Asetoun a compris qu'elle est partie. Maintenant, elle a dit shalom, shalom. Donc, ça veut dire que depuis, elle m'entendait, alors. Comment non, tu... je ne t'attendais pas. Il y avait un problème, là. Quand j'étais en train de régler ça sur mon portable. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Et le problème est résolu exactement quand je te disais au revoir, quoi. Comment va ton mari? Il va bien par la grâce de Dieu. Tu me le salues, d'accord? Tu dis son ami le frère Junior le salue. Il n'y a pas de problème, laisse sortir un peu. Ouais, qu'il continue à sortir. Tu te souviens de ce que je lui avais dit? Il n'y a pas de souci, mon frère. Quand il va encore entendre frère Junior, son cœur va battre. Il n'y a pas de problème, frère. Il y a du fait la commission. Est-ce qu'on peut commencer le travail ce soir? Amen. Amen, amen. Voilà. Donc, j'espère bien que les choses ne vont pas déranger, d'accord? Je crois que là, c'est le frère Olivier Angora qui est venu avec l'eau des grands bassins. Il a coupé mon micro. Oui, ouais, il dit qu'il a déjà coupé le micro, mais on l'entend quand même. Allez, on peut travailler. Côte d'Ivoire dans la santé, bonsoir. Est-ce qu'on peut travailler? Amen, mon frère. Ok. Oui. Bonsoir, frère Junior. Voilà, bonsoir, ma chère sœur. Ta connexion est vraiment bonne aujourd'hui et c'est très bon. Alors, on va commencer ce soir. Avez-vous des questions? Toute question biblique recevra certainement une réponse d'ordre biblique. Allô? Saint-Sucin, je vous reçois. Ok, mon frère. Oui. Nous savons tous que l'enjeu aujourd'hui, c'est la sanctification dans le but du scellement du Saint-Esprit pour l'enlèvement. Oui. Et dans vos enseignements... Dans nos enseignements. Oui, dans les nouveaux enseignements, il y a une question qui avait été posée. Comment marcher selon le Saint-Esprit? Actuellement, nous n'avons pas encore le Saint-Esprit. Comment est-ce que nous, on peut marcher selon cet esprit-là. Voilà, c'est bon, c'est une très bonne question. J'aimerais bien que vous regardiez bien mon visage pendant que je suis en train de vouloir répondre à cela. J'espère que vous me voyez. Oui, on voit votre effigie là, on voit l'image là, les sept palmes. C'est terrible. C'est bon là? Non, pas de... oui, ça va maintenant, ça va. Donc, mon cher frère pose la question que dans nos enseignements, nous parlions du fait que il faut, nous sommes dans un processus de travail dans la sanctification pour le scellement du Saint-Esprit. Frère Olivier Angoran, c'est ouvert chez toi le micro. Dans l'optique de l'enlèvement, et le frère dit, de l'autre côté, on dit qu'il faut marcher par le Saint-Esprit. Comment donc marcher par le Saint-Esprit alors qu'on ne l'a pas encore? En toi, le fond, se trouve cette question-là. Alors, moi, je te pose la question, mon cher frère. Les soldats qui vont tirer dans les armes, avec les armes, là, dans les camps d'entraînement, ils tirent comme ça nécessairement parce qu'il y a la guerre? Non, non, ne tire pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils s'entraînent. Ils s'entraînent. Oui. Voilà, la Bible déclare qu'on s'édifie soi-même pour être une habitation spirituelle. N'est-ce pas, frère? Allons-y dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2. Voyons ça rapidement. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. 1 Pierre au chapitre 2. Les versets 1 jusqu'au 5. Je lis. Hein? Affirmatif. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc dans ce verset 5, comment le verset 5 de la partie A commence? Qu'est-ce que ça dit déjà? Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous ou formez une maison spirituelle. Voilà. Comment on s'édifie donc dans ces cas? On peut s'édifier par la parole de Dieu. Oui. Par la méditation. Oui. Par les prières, par les jeûnes et les prières. Exactement. Voilà. Maintenant, allons-y dans le livre de Galates. J'espère que les autres ont la connexion stable pour entendre ce que nous sommes en train de dire ici. Je crois que nous sommes bientôt, nous allons commencer avec les choses sur l'église. Galates chapitre 3. Oui. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et puis on va aller au verset chapitre 4. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Voilà. Dans ce verset 7, Galates chapitre 3, il est dit là que ces chrétiens-là sont comment? Qu'on les a ensorcelés d'abord, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, chapitre 4, lis le verset 19 du chapitre 4. Verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voilà. Alors, il éprouve les douleurs de l'enfantement pour qui? Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Mais cette douleur de l'enfantement, c'est pour qui d'abord? Ses enfants. C'est pour nous, en fait. Ok. Maintenant, il faut que qu'est-ce qui soit formé en eux? Christ soit formé en eux. Voilà. Et Christ, c'est quoi, frère? Donc, c'est ce que nous avons lu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, là, tout à l'heure, il parlait des... On s'édifie soi-même pour être une habitation, voilà, de l'esprit. Alors, c'est vrai, on dit que... Vous dites, oh, nous attendons le Seigneur. Quand on n'attend pas avec les bras croisés. D'accord, mon frère? Voilà. Il y a un travail à faire. Des questions? Oui, frère Junior. C'est qui? Oui, frère Junior, c'est le frère Jean-Didier. Quadio Jean-Didier. Qu'est-ce que tu avais branché sur ton téléphone tout à l'heure sur ton ordinateur qui dérangeait comme ça? Pourquoi? Allô, le frère Jean-Didier. Allô, le frère Jean-Didier. Autre question, je crois que là, elle est perdue là dans sa connexion. Autre question. Terrible. Frère Junior. Oui. Bon, à la suite de la question du frère Paul Espérance, bon, je voulais savoir, est-ce que, puisque il est question ici vraiment de, dans l'une des Galates, chapitre 4, verset 19 qu'on a lu là, où l'apôtre Paul dit clairement qu'il éprouve les douleurs de l'enfantement afin que Christ soit formé dans le croyant. Bon, à cela, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un qui n'a pas en lui le Saint-Esprit, qui n'est pas en fait, n'a pas en lui le Saint-Esprit, est-ce que la marche dans l'Esprit peut être possible? Bon, la question que je pose, c'est que, avant que cette personne-là ne commence à côtoyer la Bible, Dieu le connaît-il? Bien sûr que oui. Qui l'a attiré dans la relation avec le Seigneur Jésus? C'est Dieu. Alors, Dieu l'a fait comment? Tu l'as fait en l'octroyant son esprit. Non. Écoutez très attentivement. Il est clair que avant que quelqu'un ne devienne chrétien, Dieu le connaît avant, comme le cas de l'apôtre Paul. N'est-ce pas? Amen, d'abord. Ok. Lorsque l'apôtre Paul était pharisien et qu'il était parmi ceux qui frappaient Étienne, Dieu le connaissait-il comme son enfant? Oui, tout à fait, oui. Avait-il le Saint-Esprit? Non, non, absolument dans le, non. Dans le cheminement de Damas, pour aller à Damas, Dieu était-il au courant? Tout à fait, oui. Qui est derrière tous ces événements-là, en réalité? C'est le Seigneur Dieu. Alors, mais dans ce cas, ça veut dire qu'il y a le travail du Saint-Esprit de l'extérieur, il y a le travail à l'intérieur, et le travail avec le prédicateur qui prêche la parole. Donc, ça veut dire que vous avez deux personnages. Il y a celui qui prêche la parole. Vous me voyez, n'est-ce pas? Quand il fait mes mains, vous me voyez, n'est-ce pas? Vous avez deux personnages. De ce côté, vous avez le prédicateur. Prenons un exemple simple pour que vous compreniez. Lorsque vous lisez le livre de Luc au chapitre 8, vous voyez l'eunuque éthiopien qui rentre de Jérusalem pour adorer. Lorsqu'il y va, cette année-là, il croit qu'il va comme toutes les autres années. Mais cette montée-là est différente de toutes les autres montées. Quand il rentre, il descend avec Gaza pour rentrer chez lui, il lit le livre d'Ésaïe. Mais celui qui contrôle toutes choses sait qu'il est là et il sait exactement qu'il y a quelqu'un à proximité. Il porte Philippe, il dépose là-bas, il dit « «Approche-toi vers ces chars». ». il approche. Vous voyez effectivement que ici il y a le prédicateur, ici il y a la personne qui est censée recevoir la parole, mais tout est coordonné par l'Esprit de Dieu. Vous suivez cela, n'est-ce pas? Maintenant, c'est pour dire que comme le Saint-Esprit a conduit celui-ci pour venir prêcher la parole à celui-ci, il a déjà disposé, je crois que c'est plein dans les Saintes Écritures, vous pouvez voir le cas de Corneille, vous pouvez voir le cas de Corneille et de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, Corneille reçoit la visitation de l'ange et il lui dit, envoie, je peux appeler Simon, il est nommé Simon, appelé Pierre, il est logé, c'est un corroyé nommé Simon. Et puis il parle de l'appeler, lorsque les gens, il envoie les gens aller l'appeler, l'apôtre Pierre est en train de Pierre, l'apôtre, est sur le toit en train de prier. Puis l'Esprit lui dit, descends et va aussitôt avec eux, parce que c'est moi qui les ai envoyés. Vous avez entendu ça, frère? La Bible dit à Pierre, va promptement avec eux, c'est moi qui les envoie. Descends et va avec eux. On n'a pas dit c'est le Seigneur qui a dit, on a dit c'est l'Esprit qui dit. L'Esprit. Or, cet Esprit-là, c'est celui qui est censé demeurer en nous, parce que Jésus avait promis qu'il sera avec nous éternellement. Vous voyez, quand non seulement Jésus a dit qu'il sera avec nous éternellement, mais il a dit qu'il sera même en nous. Donc il y a l'œuvre de l'extérieur de l'esprit et il y a l'œuvre à l'intérieur. L'œuvre à l'intérieur qui consiste en ce que Dieu vient demeurer en nous par son esprit, ça c'est autre chose pour le seulement et pour toutes les bonnes œuvres qu'il fait au travers de nous. Mais il a un travail d'abord qu'il fait de l'extérieur avant de venir entrer. C'est ça qu'on devait savoir. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, pour le cas de l'apôtre Pierre, il ne sait pas exactement ce qui se passe. Il sait tout simplement que l'Esprit lui a demandé d'aller. Remarquez bien, quand il entre chez Corneille, quand il voit tous les gens qui sont assis. Et Corneille et ses familles sont là, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et Pierre lui-même ne sait pas ce qui va se passer. Et pendant qu'il dit que nous sommes assis devant toi maintenant pour entendre ce que Dieu a mis dans ta bouche. Lui aussi dit à Corneille, à sa famille, que dites-moi pourquoi m'avait fait venir. Donc, ni la personne qui est censée prêcher ne connaît, ni la personne qui est censée recevoir la chose ne connaît. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais pourtant, l'ange a dit, il te dira les paroles par lesquelles tu dois être sauvé, toi et ta famille. Vous voyez cela? Et par conséquent, quand Pierre vient là-bas, tout est corrélé depuis la tour de contrôle d'en haut, sans son avis. Je crois que j'en ai parlé de ces choses dans la nouvelle naissance. Que vous faites naître de nouveau, c'est la volonté parfaite du Seigneur en haut. Et quand le moment arrive, il fait naître de nouveau comme il veut. Et le cas de l'apôtre Pierre, comme nous sommes de le voir dans le livre des Actes chapitre 10 là, et le cas de l'Union éthiopienne dans Actes apôtres chapitre 8, c'est la même chose. Le cas de l'apôtre Paul également dans la conversion dans Actes chapitre 9, c'est la même chose. Que qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu es persécuté. Il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Que dois-je faire, Seigneur? Lève-toi, entre dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez, entre temps, il est en train de préparer quelqu'un là-bas qui va faire quelque chose. Alors, donc, il y a l'œuvre extérieure du Saint-Esprit qui consiste à prendre la parole. Et c'est ce que Ézéchiel chapitre 36, versets 25 et 26 le disent. Il va nettoyer, purifier, ôter le cœur des cœurs. Puis il dit, il va faire demeurer son esprit. Donc, quand quelqu'un est dans ce processus-là, il est entre les mains du Seigneur. D'accord, frère? Amen. Voilà. Des questions? Quand tu vas dans la sainteté, comment ça va sentir bien maintenant? Amen, amen. Bon, frère? Ouais. Frère, je voulais encore plus d'éclaircissement. Ça veut dire qu'il y a l'œuvre extérieure du Saint-Esprit oui. qui consiste à faire un travail à partir de la parole, oui. la parole de l'évangile qui est prêchée, oui. qui permet de préparer le cœur à recevoir ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Arrêtons là-bas, arrêtons avant que tu continues. Lorsque l'apôtre Paul dit dans ces Galates chapitre 4, verset 19, que mes enfants, pour qui j'éprouve encore le douleur de l'enfant, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est vrai, est-ce que Christ, dans son développement parfait, se trouve en eux? Oui, tout à fait, frère. Je dis, est-ce que Christ, dans son développement parfait, à ce moment-là, est-ce qu'il se trouve déjà accompli en eux? Non, non, non, non, non. Donc, c'est la preuve, justement, qu'on est venu les ensorceler. Vous voyez? Il dit, oh, Galates, dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé, qui vous a charmé, qui vous a fasciné? Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez maintenant accomplir, continuer par la chair ou bien par les œuvres de la loi. Donc, ça veut dire que cette personne qui n'ont pas... Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, il va dire ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit que l'œuvre des différents ministères est faite pour le perfectionnement des saints. Regarde bien, ils sont saints en vertu du fait qu'ils ont été sanctifiés par le Seigneur. Ça va? Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, quand on croit en lui, on est justifié, on entre dans une autre étape. L'étape où le Seigneur nous nettoie. Je dis donc, vous ne devez plus marcher comme le croyant. Après, il dit là-bas, si du moins vous avez été enseigné selon cette doctrine de Christ-là. Donc, ouais, c'est l'enseignement et autres là-bas qui commence à développer, ça développe. La Bible déclare donc dans Galates, dans Éphésiens chapitre 4, verset après verset 11 jusqu'au verset 12, où il parle des différents ministères, il continue à développer maintenant que jusqu'à ce que ces cinq ministères soient là, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous voyez cela? Jusqu'à ce que soyez sans être ballotté des doctrines et autres. Or les Galates, si, dans la Galatie, on voit effectivement comment ces gens s'étaient ballottés à tout vent des doctrines à cause du fait qu'ils n'étaient pas arrivés à cette maturité-là. D'accord, frère? Maintenant, je pose la question. Quand l'apôtre Paul va enseigner à ceux-ci, il a dit que celui qui produit le miracle parmi vous, or, c'est le Saint-Esprit qui accomplit le miracle au milieu d'eux. Oui, effectivement, que c'est une œuvre extérieure du Saint-Esprit. Mais maintenant, ici, il a dit que le but de cette œuvre-là, c'est qu'ils arrivent jusqu'à ce qu'ils puissent parfaire son œuvre et ils demeurent en eux. Moi, je suis bien, n'est-ce pas, frère? Oui. Frère Olivier, c'est bien saisi? Bon, c'est un peu flou, frère. C'est flou, je sais, si l'image, non? Oui. Si je veux te comprendre, frère, ça veut dire quoi pas? Ça veut dire que c'est lorsque le croyant arrive à la maturité qu'il est né de nouveau. Non. Non. Le frère, laisse les Corinthiens, mon cher frère, on va arriver doucement. Frère Olivier Angora, es-tu croyant? Oui, frère. Es-tu né de nouveau? Oui, frère. Ah. À quel moment tu es né de nouveau? Lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, si un catholique te dit qu'il est né de nouveau, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu lui dis? Bon, c'est lui qui le dit. Maintenant, c'est le Seigneur qui sait. Il te dira également que toi-même, c'est toi qui le dis, puisqu'ils disent la même chose que toi, tu as prononcé. N'est-ce pas, frère? Puisque la lampe de sang, c'est pas le principe de la foi. Oui. Voilà. Et la foi, c'est Dieu qui donne la foi. Et il dit donc c'est que Dieu qui donne la foi pour que l'on parvienne à la lampe de naissance. Et lui aussi, il dit que cet enfant catholique dit que depuis qu'il a confessé Christ, il a reçu Christ, voilà. Il a la foi. Qu'est-ce que tu en dis? Ouvrez le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on a commencé à bien manger ce soir, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, ceux qui vont venir en retail ne vont avoir que les oreilles pour entendre ce bamba iba. Ah, vous êtes dans Ézéchiel chapitre 36 déjà. Hein? Amen, amen. Prenons le verset 22 au verset 26. Le chapitre 36 d'Ézéchiel. Qui va lire donc? C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les maisons, parmi les nations, ouais. Vous avez profané au milieu d'elle, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. 10 promesses. Amen. 10 promesses. 10 promesses sont données dans ces passages que vous venez de dire. 10 promesses. 10. Il y a bien 10. Et dans chacune de ces promesses-là, l'homme n'a rien à faire. Dans ces promesses-là, Dieu dit que c'est lui qui va les rassembler depuis les nations. Il va les retirer des nations. Il va les faire rentrer dans leur pays. Il ne leur donne pas la condition que vous faites ici. Non. Il continue. Il dit que lorsqu'ils vont venir rentrer dans leur nation, il va les nettoyer. Vous voyez? Oh, frère Olivier, tu m'entends, n'est-ce pas? Oui, t'attends, frère. Depuis le moment où il va commencer à les rassembler un à un, ils lui appartiennent déjà. Mais ce n'est pas l'accomplissement du, ce n'est pas encore le but pour lequel il les a. Le fait qu'il les choisit déjà, c'est déjà la grâce. Mais il y a une œuvre qui va travers eux. C'est cette décomposition que Dieu fait en ralenti ici. C'est ce que vous appelez donc nouvelle naissance. Lorsqu'il y a une opération chirurgicale à l'intérieur et qu'un être nouveau y est entré, à cet instant-là, vous êtes né de nouveau. Maintenant, frère, à cet instant-là, est-ce que cette personne qui est née de nouveau là, a-t-il l'esprit demeuré en lui? Il est né dans ce passage d'Ézéchiel, à quel moment il y a la nouvelle naissance, d'après ce que tu as compris, ce que je t'en ai dit? Parce que tu as parlé de l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de nettoyage du Saint-Esprit. Non, l'œuvre de nettoyage, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il dit, depuis le moment où il a commencé à les faire sortir des différents pays pour les rassembler, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Puisque dans l'œuvre d'Ésaïe, il a dit, j'ai dit au septentrion, donne. Il donnera à l'Orient, donne. Et ils donneront tous mes enfants et je les rassemblerai dans le pays que j'ai promis à leur père. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, quand l'Esprit fait, parce que, par exemple, quand Cyrus dit que, ok, descendez dans votre pays, baptisez le temple, c'est le Saint-Esprit qui en est parlé comme ça. Vous voyez? Mais là, le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit demeurant en eux. Parce que le but, c'est de demeurer. À l'instant où Dieu dit que je t'aurai le cœur des chairs, quoi, des pierres, qu'est-ce que Dieu en est parlé? Dieu parle de la conversion ici. Vous voyez cela? Donc, parce que l'œuvre, lorsque Dieu dit, je t'aurai le cœur des pierres et je mettrai le cœur des chairs. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une conversion qui s'est passée. Chaque fois, il parle cela avec de l'argent. Vous comprenez que vous prenez un argent en CFA, vous convertissez en quoi? En euros, par exemple. Dollar. Donc, ça veut dire qu'initialement, vous avez le dollar, on vous donne le CFA, vous prenez le dollar. Ça veut dire que lorsque le cœur des pierres est ôté, le cœur des chairs est mis, parce que la conversion se passe au même moment. Vous pouvez dire à quelqu'un que je vous donne le CFA, vous me donnez le euro la prochaine fois. Ce n'est pas une conversion. Quand vous allez voir les échanges, des échangeurs d'argent, vous lui donnez instantanément l'argent. Il vous donne la monnaie correspondante, l'argent correspondant dans l'autre devise. C'est pas vrai ça, frère? Amen. Et donc, lorsque le Seigneur le fait, la conversion se passe à cet instant-là. Quand la conversion se passe à cet instant-là, Dieu n'attend pas un autre endroit, un autre jour encore. Lorsque la conversion s'est passée, la Bible déclare, il promet qu'il mettra son esprit à l'intérieur. Parce que c'est dans ce cœur de chair que l'esprit doit demeurer pour maintenant pousser les gens à marcher d'après la parole de Dieu. C'est pour ça que le cœur des pieds ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Tu peux beau prêcher tous les jours, c'est bon, tu peux prêcher, ça ne peut pas entrer. Alors, parce que Dieu endurcit le cœur. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Il faut donc qu'une œuvre soit faite. Alors maintenant, je recommence encore pour que vous saisissiez ce que je viens de dire. Depuis l'appel à sortir des différentes nations, pour le cas d'Israël, comme on le voit ici. Et ça c'est l'œuvre même. Dans ces 10 promesses qui sont données, c'est l'œuvre de l'Église ici, de la grâce là, maintenant. Détaillée là-bas, maintenant. Où est-ce là? C'est la photo de l'œuvre de la grâce là donnée. Parce que quand le Seigneur nous prend du monde, il nous nettoie en tant que païens. C'est la justification. C'est ce qu'il écrit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 11. Vous voyez, mais c'est ce que vous étiez, c'est un d'entre vous. Mais vous avez été nettoyés, vous avez été lavés. Vous voyez cela? Par l'Esprit de la grâce, par l'Esprit de Dieu, notre Dieu. Maintenant, regardez très attentivement, lorsqu'il appelle, une fois de plus, écoutez-moi très attentivement, lorsqu'il appelle, c'est le Saint-Esprit qui a de faire. Donc, quand il sort pour rentrer chez eux, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les attire. Mais le but ultime de Dieu, c'est le scellement. Amen. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors maintenant, alors beaucoup de croyants se trouvent dans l'étape où il en est de leur faire sortir. Il n'en demeure pas moins que s'ils lisent Romains chapitre 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il est dans le processus pour avoir l'esprit de Christ. Donc ce verset ne le conseille pas de toutes les façons. Vous comprenez? Parce que le but de la sanctification, c'est pour avoir l'esprit. Donc il l'aura. N'est-ce pas si vous comprenez? Sinon, pour cela que si Dieu n'a pas commencé cette œuvre de sanctification, oubliez. Il faut qu'il ait commencé à débarrasser lui-même des choses de votre vie. Si vous voyez que Dieu a commencé à débarrasser lui-même les choses de votre vie, ça veut dire qu'il vous est dans un processus. Je ne sais pas si vous me suivez, frère. Vous remarquez que dans votre vie, il y avait un style de vie que vous meniez. Et que vous remarquez que depuis que vous êtes en Christ, ça a disparu automatiquement. Ça veut dire que l'œuvre a commencé en vous. Dieu en train de nettoyer. Amen. Mais il y a des Amen. Gens, par exemple, qui Amen. Prennent la cigarette, Ils disent maintenant que okay, j'ai trouvé la technique maintenant pour ne plus fumer. Vous voyez que ce n'est pas l'œuvre de Dieu là-bas. Parce que c'est une technique humaine pour pouvoir Amen. Empêcher de fumer. Il y a des gens maintenant qui, au lieu de fumer la nicotine, on a fait de la cigarette sans nicotine. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait le réflexe de faire. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il est possédé. Il faut que quelque chose, il faut qu'il ait quelque chose entre les mains. Il peut même arrêter une barre de craie pour faire. Pour tromper son organisme qu'il est en train de fumer. Parce qu'il ne veut pas fumer la nicotine. Parce qu'on a dit que la nicotine dérange sa santé. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc, chaque fois qu'un homme fait tout pour résister contre le péché, pour bagarrer contre le péché, il a un problème à l'intérieur. Lorsque le Saint-Esprit vient à l'intérieur, commence à faire cette œuvre-là, il libère du péché. Vous vous rendez compte tout simplement que certaines choses que vous faisiez, vous ne le faites plus. c'est une chose, ces comportements, vous avez commencé à être modélé. De telle enseigne que même le changement de l'extérieur est vu par les autres. On dit, ton comportement a changé. Et là, ça vous fait même un tic à l'intérieur pour dire, mais comment ai-je changé? Vous y méditez bien, vous comprenez que l'œuvre de Dieu a commencé dans votre vie. Alors, le Seigneur donc dit qu'il va les purifier de toutes leurs idoles. Vous remarquez, ça veut dire que quand on sort du monde pour venir dans l'appel du Seigneur, on vient toujours avec l'héritage des choses du monde. Parce que le cœur ne peut pas rester neutre. Le cœur, lorsque Dieu s'est éloigné, les gens vont se formater, vont se former les dieux pour les adorer, d'une façon ou d'une autre. Donc, quelqu'un qui quitte du monde, des dénominations pour venir à Christ, il a besoin de nettoyage. Vous ne pouvez pas tromper. Si vous avancez sans le nettoyage, ça, vous serez exactement comme le peuple juif qui sont sortis de l'Égypte, arrivés dans le désert, ils ont reproduit le bourreau d'or. C'est pour ça que quelqu'un peut sortir d'une dénomination et pas reproduire une autre dénomination. Il ne peut pas faire autrement. C'est le principe spirituel. Parce qu'il a vu faire quelque part, ça a imprégné une image en lui. De ces images-là, il va avoir des inspirations, croyant que c'est Dieu. Parce que les Juifs en ont une inspiration de ce qu'ils ont vu en Égypte. La Bible dit qu'ils ne sont pas sortis de l'Égypte avec un veau d'or physique. Mais le veau d'or s'est retrouvé en eux. Ils ont dit, ok, faisons-nous un Dieu. Qui a donné le modèle? C'est dans leur esprit que c'est sorti. Ils ont eu une révélation. Après avoir fait cela, ils ont présenté que voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. C'est quand même terrible. Or, quand ils sortaient de l'Égypte, ils n'avaient pas sorti avec le veau d'or. Vous voyez, effectivement, ils ont reproduit qui? Le Dieu des francs-maçons. Ces boucs avec les cornes là, il les a produits là-bas pour montrer que la franc-maçonnerie est ici de là-bas. Donc, ça veut dire que les Juifs avaient hérité les principes des francs-maçons. Ils sont venus dans l'Égypte, quoi, en désert, ils ont reproduit ça. Ça veut dire que quand vous avez flirté avec ces milieux-là, flirté avec le monde, ils vous font le nettoyage. C'est pour ça que Dieu dit, je les purifierai de toutes les idoles et ils seront purs. Cette œuvre-là, c'est Dieu qui doit le faire. S'il n'a pas fait cela, tu montes, tu descends, tu vas répercuter cela. Vous voyez, il y a des gens qui sortent par réflexe, qui sont sortis de l'église catholique par réflexe. Lorsqu'il y a un repas, au lieu de prier et remercier le Seigneur, il fait le signe de croix comme ça, comme vous faites là souvent. Parce que par réflexe, avant de dire, ah, non, on a dit qu'on ne fait plus là. Vous voyez, c'est à l'intérieur. Et là maintenant, le travail de l'enseignement, c'est ça. Le travail de l'enseignement consiste donc à faire cela. C'est donc pour cela que vous voyez, l'apôtre Paul dans la Bible parle de ces gens-là. Comme dans Éphésiens, il dit que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous voyez, il ne vous devez plus marcher comme les païens. Dans le livre de Colossiens, chapitre 3, il va parler de maintenant que vous êtes en dépouillé de vieux hommes et de ses œuvres. Ne vous mentez point les uns les autres. Vous voyez comment il dit cela pour que les gens qui ont des pensées renouvelées, au fur et à mesure, ces paroles-là renouvellent leurs pensées. Voilà l'œuvre de la parole. La parole sort pour purifier. Comme Jean, chapitre 15, verset 3 le dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole qui sort par le Saint-Esprit, il y a l'œuvre que le Saint-Esprit fait à l'extérieur pour nettoyer. Puis il y a l'œuvre de l'intérieur qui fait. Je crois que j'avais parlé de la sanctification et puis j'ai parlé de la sanctifiant nos âmes. Il y a l'âme qui doit être sanctifiée. Il y a l'étape que c'est l'homme qui doit faire. L'étape que c'est Dieu qui doit faire. Vous voyez cela? Quand c'est terminé, Dieu met son cachet. Et nous sommes dans la ligne là maintenant. D'accord, frère? Amen. Vous allez savoir la différence. Ne vous inquiétez pas, vous saurez la différence. Frère. Oui. Frère, si je comprends bien, ça veut dire quoi? D'abord, il y a d'abord le. Une première œuvre d'abord de conversion, oui. Où le cœur de pierre est changé en cœur de chair par le Saint-Esprit. Oui. Et maintenant, après ce processus de conversion-là, oui. Il y a l'étape de la sanctification, oui. Qui opère aussi par le Saint-Esprit dans la vie de cette personne-là. Oui. Et maintenant, c'est après maintenant, cette étape de sanctification-là que maintenant, il y a ce qu'on appelle le scellement de l'Esprit, voilà. Qu'on appelle le baptême de Saint-Esprit. Amen. Si j'ai bien compris. Tu as bien compris, mais il y a un problème maintenant dans cette explication et dans ce que tu as dit et dans ce que moi, je suis en train de dire. Nous avons, toi et moi, un problème. C'est à quel niveau, frère? Le problème, c'est que toi et moi, on essaie d'éloigner les choses parce qu'il faut qu'on comprenne. Ce qu'il t'en a expliqué tout à l'heure, c'est que quand on t'enlève le cœur, si on te dégreffe le cœur pour enlever un cœur pour quelque part, il faut qu'on mette un cœur rapidement, sinon tu vas mourir. Amen. Tu vois ça, frère? Mm-hmm. Ça veut dire que, oui. Ça veut dire que cette opération que nous essayons de démarquer, de répartir pour pouvoir saisir, se passe à l'instant. Maintenant, ce cœur nouveau qu'on met là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça symbolise dans le Nouveau Testament, dans la grâce? Avant de parler de cœur nouveau, il faut d'abord nous parler de cœur ancien. Le cœur ancien qu'on enlève, c'est quoi aussi? Tu vois, donc, on a des problèmes, n'est-ce pas, frère? On a des problèmes. Il faut donc définir ce que c'est que le cœur ancien, le cœur de pierre. Toi, quand tu as touché ton cœur là-bas, tu sens que c'est en pierre, frère? non, frère, non. Mm-hmm. Vous voyez, je vais te dire quelque chose maintenant. L'esprit de foi instaure le nouveau cœur à l'intérieur. Pourtant, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui empêche, même si notre faculté voudrait accepter ce que Dieu a dit, à l'intérieur se trouve une barrière. Cette barrière, c'est la barrière d'incrédulité. C'est de ça dont Dieu parle. C'est pas que Dieu enlève la cœur, le quoi, le ce cœur là qui a le tas de sang là. C'est pas ça. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ce cœur se trouve ce que vous appelez l'incrédulité. C'est le pire du grand, le plus grave des péchés là-bas. Ce sont ces choses qui font qu'à ce que, quand nous lisons la Bible, nous ne parvenons pas à croire. Malgré que la promesse est là, on ne parvient pas à croire ce qu'il est dit. Vous me suivez, frère? Même si votre être voudrait accepter ce qui est écrit là-bas, vous vous rendez compte que vous avez du mal à croire. La preuve. Parce que si on croit, on doit manifester cette parole telle que c'est écrit. Parce que Jésus a dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je vais faire. Il fait. Donc le signe que ces œuvres n'accompagnent pas, ça montre qu'il y a l'incrédulité quelque part. Or, on peut se taguer en citant les versets que non, non, non, je crois, je crois. Cette chose-ci, ce n'est pas en disant que je crois que ça montre que tu crois. Parce que les Juifs, encore dans la Bible, ils disaient qu'ils croient, ils croient en Dieu, ils croient en Dieu. Pas vrai? Eh bien, dans Jean chapitre 16, verset 2, Jésus a dit quoi? Que l'heure vient même où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Donc vous pouvez croire rendre culte à Dieu alors que vous en faites mal. Or, qu'est-ce qui va faire donc que la promesse de la Bible soit réelle pour toi? C'est lorsque le Saint-Esprit en toi ponctuera cette parole-là et prendra ça pour rendre réel pour toi. Ça veut dire qu'il n'y a plus place là-bas. Donc je tente de dire donc que nous avons des problèmes parce que nous sommes en train de décortiquer, essayer de détacher que après cette étape-ci, il y a cette étape. Après cette étape-ci, il y a cette étape. Ce que Dieu a écrit là, c'est pour que nous puissions comprendre. En réalité, si l'incrédulité est ôtée, l'esprit de foi est déposé automatiquement. Comprends ça, mon frère? Oui, frère, oui, frère. Mm-hmm. J'espère que je me suis fait bien comprendre, mais comme la connexion n'est pas bonne là, je crois qu'on va développer ça. On va se voir encore physiquement les 16 jours. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons à faire une chose. Continuer dans le nettoyage jusqu'à ce que vous sachiez exactement. Quand vous mangez la tchéké là, vous me regardez comme ça, vous me regardez dans les yeux. Personne n'a besoin de vous prouver que vous avez mangé le tchéké. Vous savez que vous avez mangé le tchéké. Vous ne pouvez pas ne pas manger le tchéké. Vous essayez de réfléchir que j'ai mangé le tchéké quel jour. Vous mangez, vous savez. De la même façon que vous recevez l'Esprit de Dieu, vous savez que vous avez reçu. C'est aussi propre. Vous savez que vous avez reçu. Et au-delà de ce que vous avez servi, que vous avez reçu, vous voyez ces œuvres, ces manifestations. Vous ne pouvez pas dire, vous avez quelque part, et puis le Saint-Esprit vous dit, tourne-toi, fais tes choses, et tu fais. Et puis après, tu peux dire que, mais, c'est moi qui ai fait ça. Ça n'a pas de sens. Vous devez savoir que quelqu'un en train d'œuvrer au travers de vous. D'accord, frère? Et s'il œuvre au travers de vous, en faisant place au travers de vous, pour vous faire que votre volonté puisse quitter la scène, vous savez ces choses-là. Quand on parle de nouvelle naissance, de l'ancien, bon, nouvelle naissance par rapport à l'ancien, il y a un jour où tu es né dans le monde, non, frère? Amen. Quand vous célébrez l'anniversaire de sur le plan humain, célébrez l'anniversaire de votre nouvelle naissance. Donc, ça dit qu'il faut détecter la date de ça, quoi. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Attendons-nous à cette grande visitation à l'issue du nettoyage. Donc, concentrons-nous sur le nettoyage. La manière que le Saint-Esprit va venir, que chacun laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il veut faire. Faisons ce que nous avons à faire et laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. D'accord? Bon, maintenant, pour ceux qui disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, les rester en dehors de ça, ça ne vous concerne pas. Voilà. C'est comme Amen. Ça, Amen. C'est comme frère, ça, n'est-ce pas? Mon frère. Oui. Amen. Ça veut dire que on n'a pas né de nouveau si on n'a pas le Saint-Esprit, en clair. Frère Olivier Ongora, réponds-lui. J'ai pas compris ça. J'ai pas saisi ça. On n'a pas né de nouveau si on n'a pas le Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Comment tu peux être né de nouveau sans avoir le Saint-Esprit? Ou bien comment tu vas avoir le Saint-Esprit sans être de nouveau? Amen. La nouvelle naissance montre clairement sa présence en toi. Parce que c'est la vie de Christ. Écoutez, celui qui est né de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est ce qu'il dit. Jean chapitre 3. Oh, c'est ça quoi? Jean chapitre 3, allons-y d'abord. Oui, c'est dans les enseignements, il dit effectivement qu'il y a des choses. Essayer d'imiter la vie chrétienne, ce sera comme la poule qui essaie d'imiter le canard. Or, c'est la vie de Christ, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ habitant en nous pour faire les œuvres de Christ. Maintenant, si vous essayez d'imiter cela, comme regardez bien, le livre de Galates, quand vous le lisez, chaque fois il dit, arrivez à cet endroit, c'est méditer. J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est quoi marcher selon l'Esprit? Il faut répondre à cette question. Il dit, vous ne comprenez pas les œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont, ici, mais après il dit quoi? Ils sont contraires l'un de l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ça veut dire que si vous voulez faire l'œuvre de l'esprit, vous allez faire l'œuvre de l'esprit sans faire l'œuvre de la chair. Donc ça va dans le sens opposé. Maintenant il dit que les œuvres de l'esprit, le fruit de l'esprit, il dit le fruit de l'esprit. C'est que quand le Saint-Esprit vient, il produit ceci. Il commence à citer. Vous regardez là-bas, si vous n'avez pas, vous avez un problème. Un goyave ne peut pas produire la Malta Guinness. Voilà. Jean, chapitre 3. Regardez, verset 5 et 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Vous êtes sorti devant votre maman, parce que ce sont les êtres de chair qui vous ont produit. Il vous a produit en tant que chair. Si c'est l'esprit qui vous produit, il produit, quand il vous produit, il vous met dans la naissance, il vous naît en tant qu'esprit. Donc, la nouvelle naissance, c'est sa présence à l'intérieur. Amen. Voilà. D'accord, frère? Allô, vous m'entendez, n'est-ce pas? Amen. Oui, amen. Oui, frère, oui, on t'entend, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Bon, maintenant, frère, je voulais savoir comment on peut expliquer un peu le cas des Corinthiens. Qu'ils ont fait quoi? Bon, puisqu'il y a un processus que le Saint-Esprit accomplit dans la vie du croyant. Oui. Le travail de nettoyage à partir de la parole. Oui. Et maintenant, par la suite de ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle le scellement de l'Esprit. Oui. Bon, mais ici, on voit manifestement les Corinthiens dont leur vie ne reflétait pas, en fait, la nature de Christ. Alors que Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Je vous laisse savoir un peu comment on peut expliquer l'état de Corinthiens. Oui, bon, allons voir l'état de Corinthiens. On va voir où le début a commencé, d'accord? Acte chapitre 18. Il vous dit, il me sent vraiment bien ce soir. C'est comme si j'étais à Bobo. Amen, amen. Il y aura un rallye, un accueil chez vous en Côte d'Ivoire. Du coup, je vous avais parlé lorsque j'étais en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a un rallye. Qui est-ce qu'on accueille? Qui vient dans la ville? Qui vient avec cet accueil triomphant? Est-ce Jésus? Bon, qui est? Non. Voici un homme qui arrive et on l'accueille avec des victoires, Qu'est-ce que ça va amener sur la Côte d'Ivoire? Acte chapitre 18. Acte chapitre 18. Actes des Apôtres, chapitre 18. Lisons le verset 1 à... Donc, lisons le verset 1 à 11. Frère Olivier, je veux que tu lises vraiment bien. Parce que, vous savez, les épîtres... Avant de lire la compréhension des épîtres, c'est Actes des Apôtres qui nous définit la chose. Allons-y. Verset 1 jusqu'au verset 11. Verset 1 jusqu'au verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Après cela, l'apôtre partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura avec chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Christ. Les juifs faisaient alors de l'opposition et se livrant à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur, mais maintenant j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justice, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Arrêtons là-bas. Donc nous voyons effectivement ici que l'apôtre Paul parlait comme ça aux juifs et les juifs l'insultaient. Et puis il dit dans ce langage ici que je m'en vais maintenant, je me tourne maintenant vers le païen. Lorsqu'il sort de la synagogue, la maison d'à côté, c'est la maison de Justice. Et le Justice, c'est un nom grec. Et donc il dit, il y entre maintenant. Et cet homme-là craignait Dieu. Mais le témoignage devrait d'abord être proché chez les juifs. Juste parce qu'il rejette pour que la lumière vaille vers les nations. D'accord? Continuons, suivons maintenant la chose. Là, il est à Corinth. Vous savez que la Bible nous dit ici qu'ils sont à Corinth, n'est-ce pas? Amen. Alors maintenant, suivons maintenant l'événement de Corinth. Allons-y. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Mm-hmm. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Vous voyez que quand on croit, on doit être baptisé, n'est-ce pas? Ça ne peut pas changer, la règle ne peut pas changer. Donc, les gens qui disent que l'apôtre Paul avait fait, l'apôtre Pierre a fait l'erreur dans Actes chapitre 10 en disant que les gens baptisent là, qu'il faut une correction, que c'était une tribu juive. Continuons, mais ce n'est même pas le moment même. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Stop. Tu as entendu ça, frère? Oui, frère. Alors, dans le peuple corinthien, hormis ce Crispus et sa famille qui ont cru en ce moment-là, Jésus vient d'informer l'apôtre Paul qu'il a un peuple nombreux dans ce... C'est ce qu'on a lu, non, frère? Ce peuple se trouve parmi les païens, n'est-ce pas, frère? Ça veut dire qu'il se pourrait que parmi les marabouts qui y a là-bas, il y a un là-bas, mais qui est prédestiné à la vie éternelle. Mais Jésus les connaît. La Bible déclare clairement que Christ connaît tout ce qui lui appartient. Donc il sait effectivement, il a disposé l'apôtre Paul là-bas, sachant qu'au travers de l'apôtre Paul, il va toucher ceux-là. Quand l'apôtre Paul a cette révélation du Seigneur, ça veut dire qu'il lui a dit, reste à Corinthe, on ne mettra point la main sur toi. Reste-y. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, parle. Vous voyez qu'effectivement, que c'est en parlant. Ah mon Dieu, vous entendez parler des brebis, entend sa voix. Ça veut dire que en parlant, quelqu'un entend et il se réveille. Quelque chose se produit, le Saint-Esprit produit quelque chose à l'intérieur, le nettoyage. Ça le réveille. Que, ah, vous permettez que je parle ce soir, Côte d'Ivoire dans la Sainte-Esprit. Allez, allez, parlez, il y a longtemps là-bas. Amen, amen, amen. Amen, frère. Oui, c'est ça, amen, frère. Alors, le Seigneur dit à l'apôtre Paul de parler car il a un peuple nombreux. Frère Olivier, tu as remarqué ce que nous étions de dire tout à l'heure, là, quand je disais, quand il va appeler, il connaît ceux-là. Vous voyez, voici un autre cas encore. Voilà ça dans les Saintes Écritures. C'est vrai que l'apôtre Paul, en tant que prédicateur, la façon dont il y a le tumulte, là-bas, on l'insultait. Si c'était un homme simple, vous voulez dire, si avec notre temps dénominationnel maintenant, là, c'est que quand on va te persécuter, là, tu vas courir, fuir et partir. Mais Jésus lui a dit, reste dans cette ville, car j'ai un peuple nombreux. On ne te fera pas, on ne te mettra pas la main dessus. Donc maintenant, ça veut dire que les gens qui sont parmi les païens, qu'on considère comme païens, qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, il y a les enfants de Dieu là-bas. Quelque chose doit les amener pour qu'ils viennent à l'intérieur. Juste en allant au niveau de ta question, dans 1 Corinthiens chapitre 5, on les voit vivre dans l'impudicité. Juste en allant là-bas, c'est là où juste en allant. Il faut qu'on commence là, au commencement de leur croyance. Voici le commencement de croyance de ces Corinthiens-là. Parce qu'avant que l'apôtre n'annonce la parole là-bas, personne n'avait jamais annoncé la parole là-bas. Ce qui fait que ça confrontait leur culture, ça confrontait leur façon de faire, leur façon d'agir. Maintenant, le Seigneur Jésus dit à l'apôtre Paul de parler parce qu'il a un peuple nombreux là-bas. Ça veut dire qu'au travers de la parole que l'apôtre Paul va parler, il va les faire venir. Parce qu'il avait dit, mes brebis entendent ma voix, elles viendront. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Donc, ça veut dire que ces brebis se trouvent enfouis dans les ténèbres, dans les profondeurs de la boue là-bas. Il va les faire venir. Maintenant, on a compris, n'est-ce pas? Amen. Continuons au verset 11. Je continue? Oui, continue. Et il demeura un an et six mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Maintenant, mais dites-moi, j'ai fait combien de temps chez vous à Abidjan? Deux semaines. Vous imaginez celui-ci? Vous imaginez combien? Deux à trois semaines. Vous savez que celui-ci a fait combien? Un an, six mois. Vous allez être surpris tout à l'heure. Sautez, allez au verset 18, lisez ce qu'il dit. Verset 18, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas après s'être fait raser la tête à Sancré. C'est bon, il a fait le vœu, c'est bon. Donc, on dit ici dans ce verset 18 là que Paul resta encore quoi? Assez longtemps, c'est combien de temps? Ici, on dit. D'abord, on dit qu'il a fait un an et demi. Puis on dit qu'il resta encore. Ça veut dire qu'au-delà de un an et demi, il est encore resté longtemps. Nous sommes d'accord? Voilà. Amen, amen. Alors, maintenant, ça veut dire qu'on peut maintenant parler des Corinthiens. C'est donc pour cela, quand vous lisez le chapitre 11, au chapitre 11 de 1 Corinthiens, où on traite des voix de la femme, et par la suite, au verset 20, on traite de la Sainte Seine, il a dit, car je vous ai appris, je vous ai annoncé ce que j'ai appris du Seigneur. Donc, il a pris le temps, lorsqu'il était là-bas, de leur enseigner cela. Vous voyez cela? Amen, amen. Vous comprenez, vous avez, amen. Lu cela. Il dit que quand je vous ai appris ce que j'ai aussi, ce que le Seigneur m'a révélé, que c'est que la nuit du secours, le Seigneur fut vendu, ainsi de suite, il prit le pain, ainsi de suite. Vous vous souvenez de cette appellation-là? Donc, ça veut dire que l'apôtre Paul a eu duré là-bas. Ne me dites pas que parce que je dois dire chaque fois que Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Il est mort sur la croix pour vous. Parce que la Bible déclare clairement au verset 11, il y demeura un an et six mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. On a dit c'est la parole de Dieu qu'il a enseigné. Vous voyez cela? Allons-y maintenant dans 1 Corinthiens. Allons-y. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Vous y êtes? Amen. Chapitre 1, c'est mon, je vous dis, c'est mon grand frère, même père, même mère. Même père, même mère. Notre mère esprit, notre père esprit, nous sommes nés de la même façon. Allons-y ici. Amen. Ça peut vous faire rire, mais ça peut choquer d'autres personnes, pas vrai? L'apôtre Paul, mon grand frère. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4 à 6. Ou bien prenons jusqu'au verset 26. Non. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, tu parles. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4 à 8. Allons-y. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Oui. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Pardon, mon frère. Je témoigne, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Maintenant, vous voyez effectivement que si vous lisez ceci, sans comprendre ce qu'on a lu dans Actes chapitre 18, vous n'allez pas comprendre le pourquoi, non? Vous n'allez pas comprendre le pourquoi l'apôtre Paul a décrit comme ça. C'est parce qu'il a passé du temps à expliquer des choses, des mystères, des choses là-bas à Corinthe. Il a passé assez longtemps là-bas pour expliquer ces choses. Et il dit qu'il rend grâce à Dieu de la connaissance, ils ont eu de la grâce, ces choses ont été fondées. Lisons. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Qu'il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, non, ne coupe pas, Olivier Angora, tu vas faire, on va perdre des bonnes choses ici, là, aujourd'hui. Ne coupe pas. Amen. Donc, nous voyons que, vous voyez le pourquoi il vous a amené dans l'œuvre de Actes apôtres, chapitre 18, pourquoi vous voyez son commencement à Corinthe. Comment il a dû dire, mais le plus grand de ces choses, ce qu'il a fait à Corinthe, c'est le fait que Jésus-Christ lui a dit qu'il a un peuple nombreux dans ces villes-là. C'est vrai, on dit que le Amen. Seigneur lui a demandé de rester là-bas, jusqu'à ce que son œuvre soit terminée dans cette ville-là. Lorsqu'il a terminé, l'apôtre Paul, ici, c'est une église complète ici, l'église de Corinthe, complète. Parce qu'ici, il dit qu'il ne leur reste, il ne leur manque aucun don. Et donc, c'est pour cela que c'est à Corinthe que plus tard, il pouvait écrire, parce que là-bas, il y avait les différents manifestations du Saint-Esprit, tels qu'on a les 9 dons. Il y en avait tout ça là-bas. Vous voyez? Parce qu'il ne pouvait pas écrire quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il ne pouvait pas leur écrire la parole de sagesse s'il n'y avait pas ça. Il ne pouvait pas écrire sur les prophéties s'il n'y avait pas ça là-bas. Et l'apôtre nous indique clairement ici que le secteur a été solidement établi. Donc l'église de Corinthe, c'est l'une des merveilleuses et puissantes églises que l'apôtre Paul a bâties sur la terre. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Amen, amen. Alors, cette église de Corinthe, cette église a eu la fondation biblique, spirituelle que Jésus voudrait. Maintenant, quelque chose va se passer. Et c'est là maintenant, je veux toute votre attention maintenant. Peuple de Dieu, vous qui m'écoutez dans le monde entier, écoutez très attentivement le plan de notre Seigneur Jésus derrière ces choses-ci. Maintenant, Dieu, comme il a fait dans la Genèse, en laissant de façon libérale et volontiers que le péché entre pour qu'on découvre qu'il est sauveur, il permet ces choses dans les saintes écritures. Pour l'église naissante, afin de prophétiser dans les temps à venir les problèmes qui surviendront au milieu de l'église. Voilà le pourquoi il a permis cela à Corinthe. Je ne sais pas si vous suivez. Ok, si ça n'avait pas été le cas, c'est que chaque année, ou mieux chaque période, Jésus est censé écrire encore notre Bible. Il fallait donc qu'il transmette une parole qui doit être donnée au sein une fois pour toutes les générations, pour toutes les sept périodes de grâce qui doivent être dispensées sur la terre. Sur toute la dispensation, il faut qu'il transmette quelque chose qui va englober toute cette époque. Ça veut dire que c'est quelque chose qui sera enseigné et dont les choses qu'on doit rencontrer dans ces sept périodes-là. Alors, il commence à prendre les églises type d'exemple pour les manifester. L'église de Corinthe, l'église d'Éphèse. Enfin, dans le livre d'Apocalypse, vous pouvez lire donc les sept églises à qui il écrit. Et vous voyez que les caractéristiques sont les caractéristiques des différents esprits qui se manifestaient à cette époque-là. Alors, le Seigneur, lorsque l'église est positionnée ainsi, le Seigneur montre clairement déjà désormais que cette église-ci doit être comme une église prophétique pour des temps à venir. Autrement dit, lorsque l'église va faire face à une certaine chose comme l'homosexualité, comment elle doit résoudre le problème? Il faut que le Seigneur mette l'exemple dès le départ. Lorsque l'église va faire face au problème du mariage, comment elle va réagir? Il faut que le Seigneur mette l'exemple dès le départ pour que ça serve de fondation une fois pour toutes. Voilà pourquoi le Seigneur a permis que les Corinthiens vivent ainsi. Vous m'avez suivi, frère? Amen. Puisse la correction donc venir dans le monde entier maintenant, pour qu'on puisse plus tordre cette Bible-ci. Donc le Seigneur, l'apôtre Paul, si vous comprenez donc ceci, ces gens avec leurs pensées dénominationnelles qui sortent avec les contextes historiques et culturels, qui disent que l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens parce que là-bas il y avait les prostituées et que les cheveux étaient comme ça là, il dit que c'est un commandement du Seigneur. Le voile doit être un commandement du Seigneur. Ça veut dire qu'il avait établi tous ces fondements-ci dans l'église de Corinthe. De telle sorte que tous savaient clairement la pensée de Dieu concernant les sujets de la Bible. Et vous voyez effectivement qu'à Corinthe, il enseigne presque toute la totalité. Jusqu'au moment où il avait au chapitre 15, il parle de la résurrection avec le corps avec lequel on va ressusciter. Il parle même du dernier ennemi qui sera détruit, qui est la mort. Pas vrai, frère? Amen. Il leur a enseigné. Amen. On dit, avec quel corps il va faire? Il parle de corps, que tel corps est semé méprisable, il est ressuscité glorieux. Il leur a expliqué tout cela. N'est-ce pas, mes chers frères? Alors, donc, lorsque vous voyez les Corinthiens vivre ainsi, c'est un signe de l'amour du Seigneur pour nous dans le futur. Ok, maintenant on avance maintenant avec ton questionnement. Les chrétiens, ici dans le livre de Corinthe, la Bible déclare, nous a d'abord déclaré qu'ils crurent et ils furent baptisés. Dans ce 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, je crois que fini d'abord et puis on va continuer le développement. Qui va lire alors aujourd'hui? Le frère Arouvé Angora, il est parti. Allô, vous m'entendez? Amen, amen. J'avais coupé le micro là. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irrépréhensibles au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, non, ça va. Pourquoi le frère voulait qu'il court comme ça? Donc, tu vois, au verset 8, il dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Il. Vous voyez, celui qui a commencé l'œuvre, parce que c'est Jésus qui avait dit, j'ai un peuple là-bas, c'est son peuple à lui, j'ai un peuple, ça lui appartient. Donc, quel qu'en soit ce qui est en train d'arriver à ce peuple-là, le Seigneur est au courant, puisque quand il vivait dans l'idolâtrie, le Seigneur le connaissait bien avant qu'il vive dans l'idolâtrie. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit qu'il vous affermira jusqu'à la fin, il vous rendra irréprochable. Or, c'est à ceux qu'on dit qu'ils seront irréprochables qui sont des vivants au point où les autres sont dans l'adultère. D'autres sont dans le mensonge. Il y a les calomnies, ainsi de suite. Vous voyez, on dit qu'ils seront irréprochables. Donc, nous vous montrons ici, le Saint-Esprit montre ici le but pour lequel, là où ils vont atteindre. Ils vont atteindre l'irréprochabilité. Mais ces différentes étapes qui passent dans le péché, là, c'est pour nous enseigner. Je ne sais pas si vous saisissez. Chapitre 3. Corinthiens chapitre 3. Oui. Verset 16. Attends. Verset 16. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Stop. Attends. Ouais, le gars s'y est. Frère Olivier Angora. Frère Olivier Angora. Oui, mon frère. Relis encore le verset 16. Je réponds le verset 16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il s'adresse à qui en disant vous? il s'adresse aux Corinthiens. Amen. Continue. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Sur quelle base l'apôtre Paul pouvait dire avec clarté que l'Esprit de Dieu habite à ceux-là? Comment pouvait-il savoir? C'est à partir de la manifestation des œuvres de l'Esprit de leur vie. Parce qu'il était là-bas, il a commencé l'œuvre, il a vu exactement ce qui s'est passé. Non, frère? Vous voyez l'espoir? Voilà. Maintenant, allons au chapitre 6. Versets 9 à 11. Je l'ai cité tout à l'heure. 9 à 11. Chapitre 6, verset 9 à 11. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Stop. Quand il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, il a dit, et c'est là, il parle de quoi? Il parle des Corinthiens, ce que les Corinthiens étaient avant. Voilà. Ils étaient avant. Donc les uns étaient les impudiques, les autres les infâmes, dont les homosexuels, les autres des idolâtres, ainsi de suite. Donc voilà, tout ce qui est nommé là-bas, pas vrai? Amen. Mais regardons ce qui s'est passé. Parce qu'il faut se souvenir que l'apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, que ne savez-vous pas. Il a dû le rappeler seulement que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, Amen. Lisons le volet suivant de ce verset 11. Mais. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Oui. Mais vous avez été sanctifié. Oui. Mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Tu peux dire amen, frère? Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, une fois de plus, vous voyez effectivement qu'il y a une œuvre du Saint-Esprit qu'il a fait à l'extérieur pour nettoyer de ce style de vie qu'ils avaient. N'est-ce pas? Amen. Regarde amen. Le verset 17 à 20. Qu'est-ce que ça dit? De ce même livre, verset 17 à 20. Verset 17 à 20. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oui. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Maintenant, verset 19. Ne savez-vous pas que vous, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Amen. Amen. Donc, une fois de plus, il réitère ici que ne savez-vous pas, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu qui est en vous? Donc, ici, l'apôtre Paul certifie que dans son œuvre, il y a eu le travail de nettoyage, ainsi de suite, jusqu'au scellement, avant qu'il ait quitté là-bas. Amen. Amen. N'est-ce pas, frère? Amen. Amen. Mais frère Junior. Oui. Alors, donc, dès l'instant qu'il y a ce qu'on appelle le scellement de l'esprit, mais pourquoi ces Corinthiens vivaient dans ce style de vie-là? C'est vrai, on dit que le développement que j'ai parlé sur l'histoire de l'Église et la version prophétique du Seigneur par rapport aux dispensations, tu n'as pas saisi. Si j'ai saisi, donc, en termes que c'est une permission de Dieu. Dieu a permis cela. Malgré qu'ils étaient scellés de l'Esprit, Dieu a permis cela pour pouvoir, en fait, prophétiser le futur, nous qui allons venir par la suite. Bon, exactement. C'est une instruction pour nous. Exactement. C'est donc pour cela. La Bible, c'est l'apôtre Paul qui dit que vous êtes une lettre de Dieu en esprit, non? Amen. Amen. N'est-ce pas ce qu'il dit aux Corinthiens ici? Vous êtes des lettres, ce sont des Bibles spirituelles. De la même façon que les personnages. Amen. Quand vous lisez Abraham dans la Bible, vous pensez que quand Abraham avait Sarah qui conversait là-bas, qui était là pour voir, pour écrire? Hein, frère? Quand Agar est choisi par Sarah pour être donné à Abraham, est-ce que Agar, dans son intimité, connaît qu'elle stipifie une alliance qui va être manifestée plus tard? Non, non, non. Alors, donc, lorsque vous voyez la Bible, ces gens-là, ces personnages dans les Saintes Écritures, dans l'Ancienne Alliance, étaient des personnages dont leur vie était en train d'écrire la Bible pour nous signifier quelque chose. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. D'accord? Quand l'apôtre dit dans le livre de Romains que ces choses, 1 Corinthiens chapitre 6, 8 et chapitre 10, que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction. Soyez en sûrs que ce qui est arrivé à l'église, c'est pour l'instruction de l'église futuriste. D'accord? Or, lorsque vous prenez le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'au 22, où on parle de l'église de Laodicée, vous voyez effectivement qu'à l'église de Laodicée, quoi, là-bas, vers la Turquie, là-bas, en Asie mineure, vous voyez effectivement que ce qu'on a de décrire là-bas, cette église-là vivait ces choses-là à ce moment-là. Mais pourtant, il a de parler comme ça à cette église-là et par ricochet à l'église de la dispensation finale. D'accord, mon cher frère? Amen, amen. Voilà. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Oui, des questions? Mais là, frère Junior. Oui. En tout cas, c'est parfaitement compris. Mais je voulais en fait avoir plus d'explications sur le texte de Hébreux chapitre 6. Oui. Voilà. Où il est question à partir du verset 4. Oui. Je lis le texte. Non, je vous vois venir. Car... Je vous vois venir. Oui. Parce que c'est un texte qui est un peu difficile à comprendre et souvent c'est sujet à beaucoup de polémiques parmi les enfants de Dieu. Non, donc c'est pour apprendre une clarté, une explication. Si Hébreux chapitre 6 est difficile à comprendre pour quelqu'un qui laisse ça de côté, d'accord, vous allez sur le genre de texte qui est facile à comprendre, tel que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ces bergers. Les celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront, je leur donne la vie éternelle et ne périront jamais. L'autre là, il n'y a pas de parabole, non? Personne n'ira donner de mes mains, car c'est le Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Père, j'ai gradé tous ceux qui sont que tu m'as donné, sauf le Fils de la perdition, afin que l'Écriture s'accomplisse. Tout ce que le Père me donne viendra et je ne remettrai point dehors celui qui me donne, le Père qui me les a donnés. Et après, à la fin, il dit que tout est accompli. Donc, l'autre là n'est pas difficile. Allons-y. Hébreux chapitre 6, verset 4, lis, mon frère. On dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté à la bonne part, au don céleste, et qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'il leur crucifie pour leur part le Christ, le Fils de Dieu. Il l'expose à l'ignominie. Amen. Amen, voilà. L'interprétation est donnée dans le verset 7. Donc, déjà pose la question. Quelle est ta question? Bon, en fait, ce passage-là, souvent, comme c'est un peu difficile à comprendre, il y a certains frères qui s'appuient sur ce passage pour dire qu'en fait, on peut perdre la vie éternelle. C'est-à-dire que la vie éternelle n'est pas quelque chose de permanent. C'est-à-dire que si on dit qu'on a la vie éternelle, alors... Si, puisque les disciples, ils ont goûté, ils n'ont eu pas au Saint-Esprit et ils sont tombés. Maintenant, c'est bon, on va aller doucement. Avoir part au Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Mais goûter le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que goûter? Avoir part au Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit... Il y a d'abord goûter à la bonne parole, n'est-ce pas? Goûter à la bonne parole, c'est quoi goûter à la bonne parole de Dieu? Puis il y a les puissants des siècles à venir. Ça veut dire qu'ils ont été. Bon, Ils ont été éclairés par la parole. Commençons par le commencement. Ils ont une fois été éclairés. Ils ont goûté au don céleste. C'est quoi le don céleste? C'est pour cela qu'on a besoin de clarifier un moment d'explication. C'est un texte qui est vraiment beaucoup difficile à comprendre. Parce que quand on dit don céleste, ici le don est au singulier. Oui. Bon, c'est un peu interprété comme étant le don de Dieu. Le don que Dieu a fait, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ah ben, c'est de lui dont la vie éternelle. C'est de lui. Ah, donc le Seigneur Jésus-Christ, donc le don céleste, c'est la vie éternelle. C'est ça? Puisque quelque part, il a dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or, on sait que Jésus-Christ, c'est lui qui a la vie éternelle. Donc, le don céleste, là, il s'agit de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Donc, ça veut dire dit que ces personnes ont goûté le don céleste. Goûter, c'est-à-dire quoi? C'est quoi goûter? Ils ont eu un avant-goût de la chose. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça vraiment. Essayez d'expliquer. Goûter. Goûter. Aidez-nous, frère. Quand on parle de goûter, sur le plan physique, ça veut dire que tu as fait quoi? J'ai mangé, j'ai mangé, mais j'ai pas mangé totalement le plat, mais j'ai juste pris une partie et j'ai mangé. Voilà. Maintenant, le verset se contient en disant, en virgule, qui ont une part au Saint-Esprit, parce que le don céleste, goûter au don céleste, est expliqué par qui ont une part au Saint-Esprit. C'est quoi avoir part au Saint-Esprit? Avoir part au Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils ont bénéficié des bienfaits de l'Esprit, du Saint-Esprit. Okay. C'est un privilège du Saint-Esprit. Tu vois qu'en fait, de quoi vous allez le comprendre, est-ce que dans ce passage, il est dit clairement que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit ou bien qu'il a demeuré en eux? Est-ce que c'est de ça dont on est parlé? Non. Il n'est pas question du scellement de l'Esprit. Voilà. Maintenant, ça veut dire que ça ne veut pas dire des pertes de salut dont les gens parlent, pas vrai? Amen. Amen. Je pose une question simple. Judas a-t-il eu part au Saint-Esprit, oui ou non? Judas Iscariote. Judas a-t-il goûté le don céleste? Judas a-t-il goûté à la bonne parole? Je prends un exemple simple, lui là. Oui. Voilà. Oui. A-t-il goûté à la bonne parole? Oui. A-t-il goûté aux puissances du siècle à venir? Les puissances des siècles à venir. Est-ce qu'il a manifesté les puissances qui sont réservées pour les gens qui étaient dans le futur? Vous voyez comment le frère espérant évangéliser sa femme là-bas, il explique ça bien comme ça, il décortique ça là-bas. Il ferme le micro, il explique bien ça à sa femme. Et alors je pose la question, est-ce que Judas a manifesté les dons qui étaient réservés pour les gens dans le futur? Oui frère, je crois que Puisqu'il a accompli des actes, des miracles, des prodiges, tout ça. Est-ce que donc c'est difficile donc de comprendre? Je pose vraiment la question pour vous faire comprendre cela. Maintenant, allons-y maintenant dans le verset 7. Lis le verset 7 et vous me dites ce que ça dit. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. C'est terrible. Maintenant, Non, ça va, frère. C'est le verset 7, verset 7 seulement. 7 à 8. Alors maintenant, ok, oui, il finit dans le verset 8 alors. Non, c'est le verset 8 du verset 8. C'est pour ça qu'il dit que c'est fini. Maintenant, je pose la question, de quoi est-ce que l'apôtre parle ici? Ou mieux, essaie de m'expliquer ce qu'il a dit de dire là. Bon, ici, l'apôtre Paul prend un peu l'exemple d'une terre. Non, ça c'est clair que... Non, c'est clair qu'il a parlé de terre, de pluie qui tombe sur elle, de pluie et des herbes pour les gens. Qu'est-ce qu'il a dit de dire? Ça veut dire quoi? Bon, l'apôtre Paul... À ma connaissance, parle un peu des deux types de semences. Parce qu'ici, il parle de l'herbe qui est utile, et l'autre côté, il parle de l'épine et du charbon. Voilà. Donc, je vois deux types de semences. Ne dis pas qu'il était fatigué, c'est soit. Permet que le frère Espérance nous dise ce qu'il expliquait trop à sa femme. Il était en train de dire à sa femme tout à l'heure là, que l'apôtre a dit que si tu ne sais pas quelque chose, que tu ne crois pas quelque chose, demande à ton mari à la maison. Donc, il était en train d'expliquer. Puisse-t-il ouvrir son micro maintenant et nous expliquer aussi à la population maintenant ce qu'il disait? Alors, le frère Paul Espérance, versets 7 et 8, parle de quoi? Enfin, moi, ce que je comprends ici, c'est que ça parle de... La terre, c'est le cœur. Oui. Lorsqu'on dit que... Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, c'est considéré comme la parole. Oui. Donc, lorsque un cœur reçoit la parole... Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Mmh. Donc, lorsque ce cœur-là est productif, elle participe à la bénédiction de Dieu. Oui. Donc, un cœur peut recevoir la parole et ne pas être productif. Mmh. Pas pouvoir produire les fruits de la repentance. Mmh. C'est ce cœur-là. C'est cette personne-là qui a ce cœur-là qui sera jeté au feu. Notez le livre de Luc, de Marc, chapitre 4. Vous allez lire ça. Il va dire quelque chose là. Et le livre de Luc, au chapitre 6. Il va dire quelque chose rapidement. Marc, chapitre 4 et Luc, chapitre 8. Notez. Rapidement. Et puis, il va expliquer ce qui se passe là-bas. Et on va faire un parallèle. Puis, vous notez Romains, chapitre 9, les versets 17 à 20. Vous avez noté ça, frère? Amen. Ouais, quand vous n'êtes pas nombreux, même la connexion ne dérange pas, on travaille bien, non? Amen, amen. Oui. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Frère, Luc, c'est quel chapitre, s'il vous plaît? Pardon, mon frère? Le frère Jacques, tu dis? Frère Jacques de l'Orient. Il demande, c'est quel chapitre de Luc? J'ai dit Marc chapitre 4, Luc chapitre 8, Romains chapitre 9, versets 17 à 20. Lorsque vous entendez, veuillez écrire sur le forum pour que ceux qui n'entendent pas bien puissent écrire, puissent noter. Maintenant, vous souvenez de la parabole des quatre types de terres, n'est-ce pas? Amen. Dans cette parabole-là, qu'est-ce qui représente la parole? La sémence. La sémence. La sémence. Donc, la sémence représente quoi? La parole. La parole. La terre, les différentes types de terre représentent des différentes. Quelles différences-t-ils? Le cœur. Donc, lorsque la parole est semée dans le cœur, c'est exactement comme la similitude, comme la sémence. On prend la terre pour la sémence pour soulever la terre, pour tourner la terre et mettre là-dedans, n'est-ce pas? Amen. Lorsque est-ce que ces choses-là, vous qui allez au champ, est-ce qu'on le fait en saison sèche? Non. On fait dans quelle période? Non. En saison pluvieuse. Au moment de la pluie. Au moment de la pluie. Donc, c'est vrai que la pluie, c'est un autre élément qu'il faut qu'on considère, n'est-ce pas? Oui. Donc, il faut que la sémence entre dans la terre. Puis, on attend la pluie. La pluie qui vient, la dispensation qui vient des dieux. D'accord? Ouvrez le livre de Zacharie, chapitre 10, voilà le verset 1, rapidement, on lit, on revient. Zacharie, chapitre 10, verset 1. Zacharie 10. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Amen. Amen. Amen. Vous voyez effectivement que quand les prophètes parlent, il faut faire attention. Quand ils parlent, il faut faire attention. Mais maintenant, quand vous lisez Zacharie, là, vous pensez qu'il en est parlé de quoi? Parle du Saint-Esprit. Ok, continue alors le verset. Continue le verset. On va voir ce que le type l'a dit tout à l'heure. Car les thérapimes ont des paroles de néant. Les terrains prophétisent des faussetés. Les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs et je châtirai les boucs, car l'Éternel des armées visite son troupeau, la maison de Judas. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur est en train de parler, n'est-ce pas? Or, quand il dit cela, il dit, c'est aux gens qui sont rentrés de la captivité, et ils sont en train de tourner la terre dans le quartier. Vous savez, ils font le chant. Mais quand il dit ça sur le plan physique, une fois de plus, vous rencontrez encore ce que Seigneur dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens. Que les Corinthiens servent d'exemple pour quelque chose de futuriste. Maintenant, vous lisez ces passages, si vous dites, si vous êtes dans le contexte de ces gens qui sont en train d'écrire, où le prophète Zacharie vient leur parler, eux ils voient le champ parce que le prophète leur dit là, à ce moment-là, le champ ne produit pas, les élèves, les Hazim et les sauterelles ont bouffé la cueillette. Mais quand le prophète parle, c'est pas ça qu'il en a dit, bien que ce soit la chose qui est réelle là-bas. Effectivement, Dieu va faire pleuvoir plus tard les bénédictions, les fruits. Mais il en a parlé à une dispensation des bénédictions spirituelles, n'est-ce pas, frère? Amen. Mais il n'a pas dit qu'il va vous donner le Saint-Esprit. Il a plutôt utilisé les terminologies bibliques pour exprimer les choses bibliques. Regardez le verset, chapitre 11. Chapitre 11, c'est merveilleux, merveilleux. On va finir, on quitte le chapitre 11 et puis on va revenir encore, d'accord? On va revenir au chapitre 6, vous montrer quelque chose pour que vous compreniez cela. Vous y êtes. Amen. Où est-ce qu'on va aller dedans? Chapitre 11. Dès que vous êtes prêt, il vous donne, mon frère. Vous y êtes. Amen, amen. Verset 4. Amen. Verset 4 et suivant. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. Paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Et le pasteur ne les épargne pas, car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres, et aux mains de leur roi. Ils ravagent le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris deux houlettes. J'appelais l'une grâce, et j'appelais l'autre union. Et je fis paître les brebis. Oui. J'exterminai les trois pasteurs en un mois. Oui. Mon âme était impatiente à leur sujet. Voilà, il faut noter ce passage. Et puis, l'autre devoir, c'est que vous allez me dire, c'est que les trois pasteurs, qui sont ces trois pasteurs dont la Bible en est de parler. Continuez, mon frère. J'exterminerai les trois pasteurs en un mois. Mm. Mon âme était impatiente à leur sujet. Oui. Et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et je dis, je ne vous paîtrai plus, que celle qui va mourir meure, et que celle qui va périr périsse, oui. Et que celle qui reste se dévore les unes les autres. Mm. Je pris ma houlette grasse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Oui. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi, reconnu ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Oui. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne la donnez pas. Et ils pesèrent mon salaire 36 d'argent. Mm. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé, et je pris les 36 d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis je brisai ma seconde houlette, union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Stoppons là-bas, stoppons. Donc vous voyez effectivement que si vous lisez la Bible des prophètes, vous ne faites pas attention, ça va vous mélanger la tête comme ça, un temps vous allez déchirer, ça vous allez fuir. Or maintenant, maintenant vous voyez le verset 14 dit, puis j'ai brisé ma seconde houlette, union, parce qu'il avait deux houlettes, il y avait l'union et il y avait la grâce. Donc, vous lisez le verset 14, vous voyez effectivement qu'en réalité, les événements sont tellement embrouillés à l'intérieur là-bas que si vous classez maintenant, normalement, c'est le verset 14 qui devrait venir en premier. Parce que lorsque vous voyez dans les Saintes Écritures, la grâce vient longtemps avant, longtemps après, alors que l'union était initialement brisée le plus longtemps. Comme lisait Jérémie, le livre des 1 rois, vous voyez effectivement que c'est après la mort de Salomon qu'il y a une rupture entre les deux maisons, la fraternité entre Juda et Israël. Il y avait initialement une seule nation et le royaume a été divisé en deux. Alors, c'est ce que le prophète Zacharie a dit de parler ici, de la rupture entre les deux, la scission entre les deux maisons. Et vous remontez plus haut, au verset 8, il dit, j'exterminerai les trois pasteurs en un mois. Bon, je vous ai donné le devoir, il ne dit pas de quoi il est question. Parce que si je vous donne l'événement, vous allez vous situer dans le temps. Maintenant, vous remarquez très bien que, en réalité, l'événement qui vient au verset 9 vient avant cela. Regardez, il dit, et je dis, je ne vous perdrai plus que celle qui va mourir meurt, que celle qui va périr périr, et que celle qui reste se dévoile les unes les autres. Cet événement se passe avant l'événement 2. Maintenant, regardez, le verset 12 et 13 parle de quelque chose que vous connaissez. N'est-ce pas, frère? Ok, maintenant, regardez. Je vais encore relire le verset 10. Regardez, verset 10. J'ai pris ma houlette grasse et je l'ai brisée pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tout le peuple. Donc, nous voyons clairement que c'est la fin de la grâce ici. N'est-ce pas, les frères? Amen. Ok. Amen. Si c'est la fin de la grâce, lisez la suite maintenant encore, verset 15. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. Non. Nous sommes au verset 10. Je viens de lire le verset 10 pour la houlette grasse, n'est-ce pas? Lis le verset 12. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Mm. Et il pesait pour mon salaire 36 d'argent. Ok, on parle de quel événement ici? Il pose la question à mon frère et se renseigne chez sa femme. L'événement dont il est passé, dont il est parlé dans Zacharie ici, on parle de quel événement? Répondez-moi, j'avance, je veux avancer. Parce qu'il veut vous présenter des choses dans les Saintes Écritures. C'est l'événement de la traîtrise de Judas. De Judas Iscariote vis-à-vis de notre Seigneur, n'est-ce pas? Ça, oui. Ok, maintenant, regardez. Cet événement de la traîtrise de Judas Iscariote marque même là l'introduction même de la grâce pleinement, n'est-ce pas? Amen, amen. Mais regardez le verset 10 en haut. Regardez le verset 10 encore. Verset 10. Oui, je pris ma houlette grasse et je l'ai brisée pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Vous avez vu? Donc, normalement, ici, il parle de la rupture de l'alliance qu'il avait fait avec le peuple. Or, c'est par le sang de Jésus que la grâce est inaugurée. Et le verset 12 parle du moment où on va le livrer pour que la grâce entre en action, alors que le verset 10 plus haut, on a parlé de la rompre de grâce. Donc, si vous ne faites pas attention à des saintes écritures comme ça, vous allez avoir des problèmes. On avance. Alors, chapitre 12. Je vais vous montrer quelque chose et puis je vais revenir là maintenant. Verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Mm-hmm. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Mm-hmm. À ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Mm-hmm. Comme le deuil d'Adimon dans la vallée de Megiddon. Alors, on parle de quoi ici, frère? Le frère Jacques est au début, il ne parle pas aujourd'hui. C'est comment, mon frère bien-aimé? Je suis là, frère. Oui, ben, voilà, ton kata connexion, bon, maintenant, tu bon, ici? Oui. Ici, on parle de la repentance nationale d'Israël. Oui. Et là, vous voyez effectivement comment on a dit, on va ranger les familles, comment toutes les familles vont se mettre dans ces pleurs-là pour se repentir, n'est-ce pas? Amen. Oui. Regardez le chapitre 13, verset 1. À ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Verset 2. À ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. Mmh. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Mmh. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Mmh. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. Mmh. À ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Attention maintenant, vas-y, vas-y. Te dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Oui. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, oui, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. De qui est-ce qu'on parle ici? Du Seigneur Jésus-Christ. Oh, vous voyez effectivement que depuis le verset 1 jusqu'au verset 5, on parle des choses, des événements qui se trouvent là, mais c'est comme c'est une suite logique des prophètes à qui on a parlé. Il dit ici, il dit, verset 5 encore, il dit, chacun dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et il dit, et si on lui demande, on a comme impression que c'est la personne qui dit que je suis laboureur, qui en a dit, directement, on introduit le prophète de Jésus. Or, vous voyez que, en réalité, le verset 6 que vous voyez là, c'est la suite du chapitre 12, verset 10. Donc, lorsque vous lisez le chapitre 12, verset 10, vous allez directement au verset 6 du chapitre 13. maintenant, relisez le chapitre 12, verset 10, et puis vous continuez directement ici au verset 6. Vous allez voir comment ça donne. Allons-y. Chapitre 12, verset 10, et puis vous continuez directement ici. Vous allez voir maintenant ce qu'il en est. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Oui. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Oui. Continue, n'est-ce pas, frère? Rapidement, rapidement, sinon on va perdre le fil. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Non, non, comme non, le deuil. Non, non. Continue, il dit la suite. Le chapitre 13, verset 6. Recommence encore. Commence chapitre 12, verset 10. Dès que tu finis le verset 10, tu continues au chapitre 13, verset 6. C'est la suite là-bas. D'accord, ok. Donc je reprends alors. Oui. D'accord. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai eus, que je les ai reçus. Vous avez vu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ils pleuraient, parce qu'ils ont vu sa blessure. Ils ont vu effectivement qu'ils avaient crucifié eux-mêmes leur Messie. Vous voyez, maintenant tout à l'heure au chapitre 11, tout à l'heure au chapitre 11, regardez le verset 14. Puis je brisai ma seconde houlette union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Rentre au chapitre 6. Oui. Verset 11 à 13. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Ah, il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté et il s'assiera et dormira sur son trône. Dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union viendra entre l'un et l'autre. Vous voyez cela? Oh. Si vous regardez l'événement de 2 Samuel chapitre 7, verset 7 jusqu'au verset 15, vous allez voir effectivement comment il parle de ce trône-ci. Or, vous remarquez que dans le contexte où on a de parler ici, on parle de Zacharie et Agé, les plusieurs prophètes vont prophétiser sur la reconstruction de la maison qui est censée être construite là-bas. Maintenant, ici, il en a de prophétiser, mais il parle de l'église. Clairement, là, il dit, c'est celui qui a l'insigne de la majesté qui bâtit l'église. Or, il parle de cet événement, et puis là-bas, il dit quand il va s'asseoir sur son trône, une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc, il parle d'Israël et de Juda, il va les réunir ensemble. Or, au chapitre 11, il a parlé de les désunion. Or, l'union est de... Ah, mon Dieu. Alors, revenons maintenant dans notre Éphésien, dans notre Hébreu, maintenant, doucement. Vous avez, un peu, vous avez essayé de comprendre pourquoi il vous y a amené là-bas dedans. Si vous, avez perdu, amen, si, vous, si vous avez perdu le fil, je vais vous amener comment je vous y ai amené. Je vous ai ramené d'abord dans le livre de Zacharie, chapitre 10, verset 1, pour que vous voyez la pluie dont on parle comme promesse qui va donner la pluie de printemps. Je suis en train de vous faire comme ça pour vous saisissez le langage de Dieu et puis vous faites, que vous fassiez surtout attention au livre des prophètes. Vous pouvez lire quelque chose au chapitre, au verset 1, le verset 2 n'a plus rien à voir et le verset 1 c'est la suite de notre truc qui est dans notre passage. Dieu peut donner une phrase d'une prophétie à un prophète et la suite de cette prophétie se trouve dans un autre prophète qui était dans une autre époque. Amen. Amen. Amen. Donc, essayez d'aller étudier les prophètes à l'école. Essayez de les étudier, c'est ce que vous dites, école prophétique. Essayez. Vous dites, pourquoi Dieu fait ces choses-ci? Il les a mélangées ici comme ça pour que ce soit son esprit qui arrange. Amen, amen, amen. Vous voyez ça? Oh, remarquez bien, regardez l'exemple que nous avons pris là-bas. Il parle du temps de la fin de la grâce avant de parler de l'introduction de cette grâce-là. C'est terrible. Donc, je vous ai donné un devoir sur ces trois parce qu'on doit tuer en un mois. Vous devez me donner, vous ne me donnez pas, je vais rester tranquille parce qu'on quitte la terre. Mais bon, frère, s'il te plaît. Oui. Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand il dit que la parole, comme se mélange dans ces différents textes-là, le Saint-Esprit l'amène à faire le lien de ce passage-là et puis à le comprendre, normalement? Si c'est comme ça, tu penses que pourquoi l'apôtre Paul dit que si une femme ne comprend pas quelque chose, elle demande son mari à la maison? Elle parle d'une femme qui est au milieu de l'assemblée, qui est censée avoir le Saint-Esprit. Pourquoi elle ne dit pas que ton Saint-Esprit est censé t'apprendre tout? Eh mon frère, c'est vrai, on dit que le Seigneur veut parler, dit qu'il y a des personnes qui vont... J'aurai besoin de vous, vous aurez besoin de moi. Les personnes à qui Dieu a destiné pour ouvrir ça, il va ouvrir. Si quelqu'un, même si tu as le Saint-Esprit, s'il ne veut pas que tu comprennes le passage, tu vas beau lire et comprendre, ne jamais rien comprendre. D'accord, frère? Le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre avait le Saint-Esprit. L'apôtre Paul avait le Saint-Esprit. Mais l'apôtre Pierre n'avait pas la révélation de l'intégration des Juifs avec les païens. L'apôtre Paul, lui, l'avait reçu. Il pouvait lui dire maintenant avant qu'il comprenne cela. Vous comprenez, frère, frère? Amen. Amen. Amen. Donc, oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, n'essayez pas de dire que comme j'ai le Saint-Esprit maintenant, je n'ai plus besoin de frère Junior, vous aurez besoin de moi. Il ne peut pas me dire non plus dire que comme j'ai mon Saint-Esprit, je vais me cacher de mon côté. Parce que le robinet ne peut pas retenir l'eau. Vous voyez cela? Je dois dispenser. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Le frère Jacques, tu voulais parler? Non, frère, non, frère, j'écoutais. Mmh, tu écoutais seulement. Que le Seigneur te bénisse. Donc, amen. Remarquez très attentivement que ma Bible est ouverte devant moi, la Bible est ouverte devant vous, non? Amen. Il n'y a pas une troisième Bible. Il n'y a pas, non, un 67e chapitre. Non, non, non, non. Il n'y en a pas. Un 67e livre. On lit les mêmes versets. Et là, vous lisez. Il y a d'autres personnes, tout ce que nous avons dit dans la Zacharie, là, il a souligné, écrit même des choses là-dessus. Mais ce qu'on vient de dire, là, maintenant, est nouveau pour lui. Et il va voir ça, il va voir. Mais dans ce cas, il va voir, il va comprendre maintenant les choses. D'autres personnes fument le livre propre. Parce que quand il lit cela, il commence à bailler, il ne comprend pas ce qu'on a dit là-dedans. Ça ne veut pas dire que comme tu ne comprends pas sa sport, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit, que non. Ça veut dire que Dieu a lui-même mis. Regardez dans Éphésiens chapitre 4 que j'ai cité tout à l'heure. Il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, ainsi de suite. Il dit pour le perfectionnement des saints. Ils sont saints, ils ont besoin d'être perfectionnés. Ils sont saints, ils ont besoin d'être perfectionnés. Et s'ils ont besoin d'être perfectionnés par les apôtres, les prophètes, les évangélistes, ça suppose que chacun a son apport dans la vie des saints. Amen. Amen. Et par conséquent, il y a des gens, c'est pour cela que c'est un danger en milieu chrétien aujourd'hui. Ou quand quelqu'un lit sa Bible, il a déjà souligné en big rouge, big bleu, big ceci. Il dit que je n'ai plus besoin d'un enseignant. Personne ne peut m'enseigner. Le Saint-Esprit m'enseigne déjà. Et il m'amuse. Vous voyez? La Bible déclare là-bas que jusqu'à ce que. Il dit que pour le perfectionnement des saints. Il faut que vous gardez bien le mot. Perfectionnement des saints. On ne dit pas perfectionnement des païens. Des saints. Les saints ont besoin d'être perfectionnés. Parce que les apôtres ont quelque chose de spécial qu'eux n'ont pas. Les prophètes ont quelque chose de spécial qu'ils n'ont pas. Pourtant, ils sont saints. Vous savez, c'est pour cela que l'apôtre, dans l'Ancien Testament, là. Le Corée, Dathan et Abiram avaient fait ces choses-là. Il dit que non, tout le peuple d'Israël est saint. Pourquoi Moïse se lève au-dessus des peuples? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Les révélations que Moïse avait, lui, n'avait pas, vrai, frère? Mais ça n'empêche qu'ils étaient saints. Ils étaient saints parce que Dieu les avait mis à part par choix souverain. Vous me suivez, n'est-ce pas? Mais, il devrait rester à leur place, en, attendre l'ordre que Moïse devait, Dieu devait donner au travers de Moïse. C'est ce que, il faut que chacun reste tranquille, tout simplement, à sa place. Et donc, l'apôtre Paul a dit ça, mon grand frère a dit cela, que celui qui a été appelé à son enseignement s'attache à son enseignement. Si tu as été appelé à son enseignement, ça veut dire que tu as des gens que tu dois attacher, enseigner. Si tu as été pris dans les prophéties, si tout le monde était prophète, vous savez, voilà là où ça amuse, c'est amusant. Quand vous voyez ces gens-là, ils disent, oh, Dieu a dit que dans le dernier jour, j'ai déplacé mon esprit sur tous chez vos fils et vos filles prophétisant. Alors, il pose la question, tout le monde prophétise? Non. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Non, tout le monde a l'esprit de Dieu. Il n'y a pas besoin de toi. Pas besoin de moi. La Bible déclare que l'œil ne peut pas dire, comme il n'est pas l'oreille, il n'a pas besoin de toi. C'est pour ça qu'il dit dans les enseignements que si ton œil dit qu'il n'a pas besoin de le doigt, attendez que l'insecte entre dans leurs yeux, dans l'œil là. Ils vont se réconcilier automatiquement, pas vrai? Donc, amen, amen. Donc vous voyez que j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, nous avons besoin les uns, les autres. Personne ne se suffit. Personne à lui seul ne forme le corps de Christ. Vous voyez? Personne de lui seul ne forme le corps de Christ. Il est un membre. Et s'il est un membre, il doit se joindre à un autre membre. Et à un autre membre, c'est l'ensemble des membres qui forment le corps. Il n'y a pas les corps de Christ. Il n'y a pas les corps de Christ. Il y a le corps de Christ formé des membres. Vous suivez, n'est-ce pas, mes frères? On peut avancer? Amen. Donc, en revenant dans notre livre d'Éphésiens, Hébreux, chapitre 6, où notre frère a soulevé ce problème de la paix de salut. En fait, dans le fond du problème se trouvent les gens qui utilisent ce passage pour dire que voici donc clairement là où on dit que les gens peuvent perdre le salut. Pourtant, la Bible n'est pas en train de parler du perte du salut pour ceux qui l'ont eu. Parce que pour bien expliquer ceci, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le salut. À qui le salut est destiné. Quelles sont les clauses de ce salut. Et puis comprendre maintenant la préscience, la souveraineté et la toute-puissance de Dieu. Voilà les cinq éléments qu'ils doivent comprendre pour pouvoir comprendre ce passage-ci. Quand tu vois dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Bonsoir, frère. Okay. Bonsoir, frère Junior. Voilà. Avant d'avancer, il faut encore, on peut commencer depuis la fin de ces points que j'ai soulevé vers le dernier. Quand Dieu est omniscient et tout puissant, ça montre quoi? Ça veut dire quoi concrètement être omniscient? Il sait tout. Il connaît tout. Ok. Je vous pose une question. Dieu a-t-il déjà donné son don à quelqu'un et est retiré? Non. Est-ce que Dieu a déjà donné son don et retiré? Non, frère. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Pourquoi ne se répand-il pas? C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne maintenant. Pourquoi ne se répand-il pas de ses dons et de ses appels? Parce que les dons et les appels sont irrévocables, n'est-ce pas? Oui. Regardons. Là, nous trouvons dans Romains chapitre 11. Les dons et les appels sont irrévocables et c'est sans repentir, n'est-ce pas? Lisons d'abord cela avant de revenir. Romains. Le frère Jacques, daigne fermer ton. Frère Jacques, daigne fermer. Ça siffle chez toi. Vous y êtes? Romains chapitre 11. Il y a un bruit d'un son qui n'est pas bon chez quelqu'un là. Je sais pas. Il y a un bruit qui n'est pas bon chez quelqu'un. Verset 28 et 29. Est-ce que quelqu'un va lire aujourd'hui? Verset combien près? Verset 28 et 29 du chapitre 11 des Romains. C'est ce qui est dit depuis. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Voilà. Maintenant, Je veux que vous m'expliquiez. Il y a deux choses qui sont dites là-bas dans le verset 29. Dieu ne se repent pas de ses dons et de, son appel. Donc, quand ça veut dire quoi? Se repentir de ses dons et de son appel. Ça veut dire que Dieu ne retire pas, Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Ok. Donne-moi un exemple des dons, par exemple, voir. Le don de guérison, par exemple. Le don de guérison. Merci, frère Jacques. Prenons quelqu'un. Supposons qu'un frère de la Côte d'Ivoire ait un don de guérison. Lorsqu'il part, il prie pour un malade à l'hôpital ou bien pour un cancéreux, le cancéreux guéri. Qu'est-ce qui guérit cet homme-là? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est où pour guérir? Le Saint-Esprit se trouve où à ce moment pour guérir? C'est celui qui a le cancer. Le Saint-Esprit se trouve dans la personne. Dans la personne. Ça suppose que là. Il y a le don de guérison. Voilà. Donc, ce don de guérison se manifeste par le Saint-Esprit qui demeure dans cette personne. C'est ça? Amen. Voilà. Et vous dites que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est ce qu'on a vu dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire qu'il ne peut plus retirer cela. Mais qu'est-ce qui porte le don? Qu'est-ce qui porte le don? Qu'est-ce qui sous-tend le don pour le cas de don de guérison dont on nous en a parlé, l'exemple là? Qu'est-ce qui sous-tend? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 12. Allons-y. Je viens de vous poser des petites questions pour qu'on puisse avancer. 1 Corinthiens 12. Verset 11. Lisez d'abord le verset 7, puis vous allez directement au verset 11. C'est celui qui en a de lire, veille, fait vraiment attention à lire de cette façon-là. Lisez le verset 7, puis le verset 11. Allons-y. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a un but pour lequel la manifestation est donnée, l'Esprit. Et puis, la Bible nous explique que c'est un seul Esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant comme il le veut. Donc, c'est le Saint-Esprit qui distribue. Autrement dit, la personne qui opère le don de guérison n'est qu'un canal, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur nous explique ici que dans ce Romains chapitre 11, verset 29, que les dons, et Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Et vous dites, c'est repenti, ça veut dire qu'il ne peut pas retirer. S'il ne peut pas retirer le don, il dit qu'on a retiré le Saint-Esprit. Amen. Puisque c'est le Saint-Esprit qui porte le don. Je crois que je suis en allée vraiment doucement pour que vous saisissiez ce que ça me dit. Amen. Amen. Le don spirituel n'est pas dissociable du Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui manifeste là. Donc si cette personne si guérit quelqu'un, c'est pas lui qui a été guéri, c'est la manifestation de l'Esprit qui habite en lui. Et on vient de voir que Dieu ne peut pas retirer ça. Il ne peut plus retirer cela, n'est-ce pas? Amen. Donc si vous admettez que cette personne va en enfer, il va avec quoi? Le Saint-Esprit. Prenons une respiration musicale et revenons par la suite, d'accord? Quand on va dans la synthèse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, d'accord? Amen. En ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur, dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. présence. Mes craintes, mes peines, mes doutes se fondent en silence devant ta face. En ta présence, je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Côte d'Ivoire dans la sainteté, rebonsoir. Bonsoir, frère Junior. On voyait que c'était nécessaire que nous prenions, après cette délicieuse marche dans la parole, une ponctuation musicale pour délecter notre âme, n'est-ce pas, frère? Amen, amen, amen. En mathématiques, après avoir démontré tout, on écrivait ce qu'il fallait démontrer, normalement. Normalement, en entendant toutes ces choses, on doit se poser la question. Si Dieu scelle quelqu'un de son esprit, et que la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5, verset 30, que vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Scellé pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire qu'on te scelle, le but, la rencontre prochaine, c'est à la rédemption. C'est vrai, Dieu a fait le check-up, a vérifié votre état, et a jugé bon de vous donner le Saint-Esprit. Et Dieu, ne se répandant pas de ses dons, avant de vous donner le Saint-Esprit, vous êtes qualifié d'après lui pour l'avoir. Et pour rien au monde, il ne reprendrait plus parce que vous êtes la bonne personne, il ne s'est pas trompé. C'est pour cela qu'avec sa préscience, il peut savoir exactement qui, à qui donner. En fait, il donne à ses fils. Il ne rate pas ses fils. Vous voyez, il ne rate pas ses fils. Il ne rate pas ses fils. Il les connaît. Souvenez-vous, Paul parle, car j'ai un peuple nombreux. Il n'a pas dit que tous les gens de la ville sont mon peuple. Dans ce peuple se trouve mon peuple. Dans cette ville-ci se trouve mon peuple. Ils sont nombreux, les Corinthiens. Il leur a donné de le Saint-Esprit. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse, peuple de Côte d'Ivoire. Je vais vous prendre un style de cet exemple-ci, de la question que vous m'avez posée, pour vous poser une question. Frère Olivier Angoran, vous êtes disposé à ce que je vous pose la question? Oui, vas-y, frère. Qui est Jésus-Christ de Nazareth? Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Dieu l'a accouché avec qui? Dieu l'a accouché avec qui? Non, frère, Dieu ne l'a pas accouché. Comment il est fils de Dieu alors? Il est fils de Dieu parce qu'il est Dieu lui-même. Parce que l'expression fils de Dieu ramène à la divinité, à Dieu lui-même. Okay. Il est Dieu lui-même. Amen. Je vais vous poser des questions ce soir. 1 Corinthiens chapitre 1, où nous y étions tout à l'heure. 1 Corinthiens chapitre 1. Le frère Paul Espérant, tu m'entends bien? Amen, amen. Normalement, tu t'appelles Paul et que c'est toi qui as bien parlé de l'espérance, que trois choses demeurent, l'amour, la foi, l'espérance. Normalement, tu dois connaître tout ce que tu as écrit, non? Ce n'est pas, une réincarnation. 1 Corinthiens chapitre 1. Frère Olivier Angaran, ligne le verset 3. Et je te pose la question. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Mmh. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Qui sont ceux qui vont donner la grâce et la paix? Ici, il est mentionné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Puis le verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ok. Qu'est-ce que tu as remarqué ici? Que jusque qui? Ici, le Christ est présenté comme étant le Seigneur. Okay. Colossiens chapitre 1. Verset 3. Colossiens 1, verset 3. Mmh. Il est écrit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Dans ce verset, il y a combien de personnes? Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Il y a une seule personne. Qui est? Quelle est la personne dont La personne dont il est question ici, c'est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une personne. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a combien de personnes là qui... Ici, il est question de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Seigneur Jésus-Christ? C'est le Fils de Dieu, Père. Et qui est le Père, là? Le Père, là, c'est Dieu. Le Père, c'est Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. Donc, là, on voit combien de personnes? Ici, il y a le Père, il y a le Fils. Donc, en cas, il y a combien de répondants, finalement, à la question? Il y a combien de personnes, frère Olivier? Bon, en clair, nous voyons ici deux personnes. C'est-à-dire que le père... Non, n'explique pas. Réponds seulement. Je sais que c'est bizarre, mais réponds tout simplement. D'accord, frère? nous voyons deux personnes. Ok. Jean chapitre 1, verset 1. Il y a la méthode du père. Non. Jean chapitre 1, verset 1. Allons-y. Jean chapitre 1, verset 1. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mmh. Bon, au commencement était quoi? La parole. Et la parole? Était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça fait combien? Nous avons Dieu et la parole. Ok. Maintenant, je pose la question. Jésus-Christ est-il Dieu, oui ou non? Jésus est Dieu. Tu peux me montrer clairement dans la Bible où c'est écrit que Jésus est Dieu, frère? verset 1 de Jean, là, on dit la parole était Dieu. Mm-hmm. Or, nous savons que la parole, c'est le Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire que Dieu était avec Dieu, quoi. Puisqu'on dit qu'au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Comme on dit, la parole était avec Dieu, ça dit quoi? Le frère Jacques ne parle pas. Bon, moi, je comprends, la parole était avec Dieu. Bon, tel que je comprends, ça dit la parole était la manifestation de Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu. Le frère... Allô? Oui, le frère Paul, tu veux parler, oui. Oui, il y a un passage, bon, je n'ai pas les références, mais il est écrit que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Je veux seulement que quelqu'un me montre où c'est écrit clairement que Jésus-Christ est Dieu. C'est là que je vais commencer la pause. Là où je vais vous montrer. Donc tu dis qu'il y a un endroit où on dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est écrit clairement comme ça. Hein? Oui, c'est lui le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. C'est nous. Montre-nous alors. Mais c'est toi, Paul, non, mon frère? Quelqu'un? Non, mais en fait, frère Junior, oui. Bon, c'est pas écrit noir sur blanc que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Là-bas, il est dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et que nous sommes dans le véritable en son fils. Là-bas où? Dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Allons-y dans là-bas, lis. Donc tu dis que ce n'est pas écrit noir et blanc qu'il est le Dieu véritable? Non, bon, en fait, c'est que la question que tu as posée, tu as demandé où c'est écrit noir sur blanc, Jésus-Christ est le Dieu véritable. Oui. Mais ça, je t'ai fait comprendre qu'en fait, dans le passage de 1 Jean chapitre 5, verset 20, il est dit que le Fils est venu et il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui le Dieu véritable. Mais lui est mis pour qui? Il a dit qu'il est Jésus-Christ. Lui est le Fils. Lui qui s'est mis pour qui? Pour le Fils. Mais comment tu dis que ce n'est pas écrit noir et blanc? Est-ce que tu peux faire, que lui la dise autre personne, autre que lui? Non, nous savons que lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il veut dire en fait que le nom n'a pas été mentionné dans ce verset. C'est oui, ce qu'il veut faire comprendre. Mais de la même façon, comme tu connais, quand tu as lu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu as su que le Père là, c'est Dieu, sans qu'on ne dise Dieu là-bas, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Alors, je recommence encore. Y a-t-il un passage clair dans la Bible qui dit que Jésus-Christ est Dieu? Oui, oui. Lequel? Montrez. 1 Jean 5, 20. Donc, ça veut dire que dans cette Bible-ci, je peux avoir au moins un passage qui dit de façon claire, de façon explicite que Jésus-Christ est Dieu sans ambiguïté. Amen. Oui. Amen, amen. Est-ce que dans cette Bible-ci, je peux voir de façon claire qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui. Est-ce que la Bible, dans cette Bible-ci, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, oui. Bon, si vous demandez là maintenant, vous n'allez pas me compliquer la vie, non? Vous pouvez me dire où c'est écrit pour qu'on voit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est Paul qui écrivait ça dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, quelque chose comme ça. C'est pas Paul aussi qui avait écrit ça? Dans un passage de 1 Corinthiens chapitre 10, où Paul parle de... Si nous savons qu'il y a plusieurs dieux, mais pour nous, il y a un seul Dieu. Ok. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 10, on voit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce oui. pas? Amen, amen. Dans la Bible, on voit clairement... Et mes frères, je veux que vous soyez vraiment disposés à saisir pourquoi ils sont de vous amener dans cette direction. Quand je vais ouvrir le dossier sur la terre, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de faire ainsi. Alors, on récapitule encore. Il y a dans la Bible, de façon claire, sans ambiguïté, là où il est écrit que Jésus est Dieu. C'est ça? Amen. Il y a dans la Bible, l'endroit de, sans ambiguïté, du fait qu'on ait écrit que Jésus, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui ou non? Oui, frère. Il y a des endroits dans la Bible où on semble voir deux dieux, n'est-ce pas? Amen. Tantôt le Père, tantôt le Fils, tantôt Jésus, tantôt Dieu, n'est-ce pas? C'est ça. Alors, qu'est-ce que ceci veut nous impliquer pour nous? Ça veut dire que soit vous admettez qu'il y a un seul Dieu dans un cas, et ou bien dans un autre cas, il y a deux dieux, et un ne peut pas être deux, n'est-ce pas? Vous savez qu'un ne peut pas être deux. Si il fait comme ça, vous voyez combien de doigts? Deux. Vous ne pouvez pas dire que c'est égal à ceci, n'est-ce pas? Deux. Parce qu'un ne peut pas être égal à deux, pas vrai? Amen. Dans ce cas, vous devez admettre. Écoutez bien les différentes possibilités. Soit 2 est égal à 1. Soit on a faussé en disant que Jésus est Dieu littéralement lorsqu'on en donne les voix. Soit ce qu'on croit être 2 n'est qu'en réalité qu'un. C'est-à-dire dans ces cas, il faut lire ces passages-là autrement que ce qu'on voit. Amen. Mm-hmm. Amen. Ça veut dire qu'en réalité, pour amener en harmonie, il faut qu'on sache que c'est un partout. N'est-ce pas, frère? Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quelque chose qui est déjà établi de façon claire dans la Bible, comme tout à l'heure nous avons vu dans le code du don, je suis en train de vouloir répondre à la question des pertes du salut. C'est là où je suis en allé. Il ne peut pas arriver dans la Bible où vous voyez clairement qu'on ne peut pas perdre du salut et qu'un texte qui semble dire quelque chose dise le contraire. Alors, ce texte-là doit être compris autrement. Amen. C'est le cadre de votre Hébreu, chapitre 6, verset 4 et suivant. Nous avons lu là tout à l'heure dans Romains, chapitre 11, verset 29, que Dieu ne se répand pas de ses dons. Et d'après la démonstration que nous avons eue, personne ne peut se retrouver en enfer avec le Saint-Esprit. Alors, dans ce cas, il faut. Et de l'autre côté, Dieu ne peut pas retirer non plus son Saint-Esprit parce qu'on a dit qu'il ne peut pas se reprendre. Alors, dans ce cas, il faut qu'on. Ça veut dire que Hébreu, chapitre 6, verset 4, on aurait dit autre chose, autre que ce que les gens disent que c'est les gens vont aller en enfer. C'est ça que je suis en train de montrer avec la divinité du Seigneur Jésus. Vous voyez? Amen, amen. Parce que les gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, ils vont chercher multiple faces pour que 1 Jean, chapitre 5, dise autre chose, mais c'est de façon claire. Et 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, dit quoi? Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. On ne peut pas faire ça autrement. C'est lui qui a été prêché dans le monde, élevé dans la gloire, vu par les esprits. C'est lui qui a été prêché dans le monde, Dieu, borné dans la chair, Emmanuel, c'est lui. Un enfant nous est né, un fils nous est né, et la dimension reposant sur notre. On l'appellera Père Admirable, quoi, Admirable Conseiller, Dieu Puissant. C'est lui. Cet enfant-là est Dieu Puissant. Amen. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, ça nous dit de façon claire, on a dit qu'il est Dieu. Et il n'y en a pas deux. Donc, là où on semble voir deux, ça, en réalité, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Pourquoi on l'appelle ainsi dans cette façon-là, d'accord? Alors, dans plusieurs passages, Jésus a déjà dit, et je crois que j'ai cité ça ici, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Je crois que là-bas, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, la vie éternelle qu'il leur donne, qui vient par le Saint-Esprit, ils ne peuvent plus périr. Et le périr, ça veut dire qu'aller dans la Géhenne. Alors, un autre passage ne peut pas venir dire qu'on va aller dans la Géhenne. N'est-ce pas, frère? Amen. Voilà, je crois que vous avez compris, madame, pourquoi il prenait tous ces exemples ici tout autour. C'est ça. Voilà. Donc, une doctrine qui est établie dans la Bible, la doctrine ne peut plus se décomposer quelque part. Par exemple, comme le salut est en Jésus, il n'y a pas. Regardez bien très attentivement. Chapitre 4, verset 12 des Actes des Apôtres dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel on est sauvé. C'est-à-dire, si quelqu'un vient par la suite, dit, je suis le deuxième né. C'est moi qui suis le messager dans tout l'univers. Tout ce qu'il raconte, c'est pour lui, sa grand-parent et ses arrière-grands-parents. Vous comprenez cela? C'est parce qu'on a déjà dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel on a été sauvé. Ce n'est que par le Seigneur Jésus. C'est donc si quelqu'un commence à dire que si vous ne croyez pas que je suis le huitième messager, vous allez mourir, vous êtes les fils du diable, vous êtes les rats, vous allez les ceci, vous êtes les rats, vous avez les canaris, les fétiches. Tout ce qu'il raconte, c'est pour sa petite famille et pour tous les gens qui le suivent. Et tout ce qu'il peut faire là-bas. Parce que le soleil se trouve en Jésus-Christ. Parce que c'est lui le salut. Amen. Vous suivez cela? Alors, une doctrine établie dans les Saintes Écritures ne peut pas se déconstruire dans la Bible. Des choses similaires qui semblent dire le contraire disent autre chose, autre que ce qu'elle disait. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonne soirée. C'est déjà bonsoir. Il n'a pas dit bonsoir, amen. Il dit bonne soirée. Il n'a pas dit bonsoir, il dit bonne soirée. Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonne soirée. Déjà, vraiment. Que Dieu bénisse. Amen, amen. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas? Vraiment. Que Dieu te bénisse, frère. En tout cas, frère. Amen. Merci beaucoup, frère. Merci pour cette parole. Amen. Bonne nuit. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.